Mais, une grande déclaration, là. Moi, j'ai énormément d'amour pour les cheveux, pour vrai. Puis, si j'avais pas été directeur artistique graphique, toi, cette patente-là, j'aurais été coiffeur. Ouais, wow. Je t'aurais vu, hein, sérieux. Pour vrai, là. J'aime vraiment mais ça c'est tout à ce faut. Point-là. Le troisième coiffeur pas gay au Québec. Ouais, exact. Il en faut. Ça en prend. Eh ouais, ça en prend. Non, mais il aurait été un barbier, pas un coiffeur. Ben, j'aurais été un barbier. C'est ça. J'aurais été mais un là, barbier. T'aurais-tu une Presidia? Noir, mettons Presidia noir. Ouais, Presidia noir rouge, au moins, là. Ouais. Pas rouge. Bon, là, tu me bloques. Ouais, écoute, là, c'était, tout ça, c'était gratuit. Là, podcast sur ça, sur les cheveux. Je pense que j'ai obligé de le laisser en audio, même, ce segment-là. Ah, ouais, c'était, ah t'as peut-être pas le choix, c'était un gros coming out. Intégral. Intégral. C'était con en arrière, là. Ouais. Bon, fait qu'on parle de local record, puis on va commencer. On va faire ça. Retro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 89e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Yeah! Eh oui, certain. 89, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Bon. Alexander Mogilny, genre. Ben oui! Parce que, segway tout de suite en partant. Ça part fort. Ben oui. T'avais-tu quoi à dire, Bruno? Ben non, c'est correct. On est rendu à 89, il en reste 21 ouais. Avant le centième. Non, c'est ce que 11. J'ai à dire. Je sais pas 11. Si on va se rendre. Oh, on va se rendre, man. Centième, ça va être un extravaganza épouvantable. À 21 épisodes, on va être rendu à 110, par contre. Ouais. 21 épisodes, en plus, ça voudrait dire qu'on en fait deux par mois. Non, mais ça en prend juste 11, là, pour se rendre jusqu'à 100. C'est vrai, ça en prend juste 11. C'était ça, juste mon point. J'ai oublié mes mathématiques. Quoi faire sans maths? C'était ça, le cours. Hein. Pas de maths. Pas de maths. Juste quoi faire. J'ai étudié en coiffeur, pas de maths. C'était compliqué, là. Je savais ce que je voulais. Là. Ah ouais, c'est parce que t'es pas intelligent. Non, non, c'est parce que je savais ce que je voulais. Une ligne droite, un objectif, rien d'autre. Ah, oh, sac. Bon, ben, correct, tu m'as coupé le king du la puck. Le king de la puck, ben oui. Fait que toi, t'es allé faire quelque chose de pas mal spécial à Arcade Montréal. Ouais, moi et Dom, on a fait un podcast en direct chez Arcade Montréal avec la soirée du podcast. Oui, monsieur. Ça a brassé. Ah, c'était drôle. C'était drôle. C'était bon. Seb Brutal de Boulevard Brutal était là. Oui. Un puis, fan de hockey. Il avait amené des offrandes. Il avait amené une belle offrande. Il y avait un cœur de porc. Il y avait le cœur de Patcherity. Il avait fait faire des chandeliers, man. Et oui. Avec de l'encens, puis il y avait tout du visuel, puis des tunes, puis de la boucane. Ah, il a vraiment donné un show, sérieusement, là. Le pacing plein de sang à la fin avec le cœur dessus. Là. Ah, ben, il y avait du sang, de la bière. Dom a renversé sa bière. Du sang et de la bière partout sur la table. Ouais. Soirée réussie. Un vrai podcast de hockey, là. Oh, il y en a-tu sur le soundboard? Est-ce que t'étais excité quand t'es arrivé? Ah, c'était très drôle. Ah non, c'était super le fun. Le cheveu, ça saute. Mais les podcasts dans le bar, ben, dans notre bar, en tout cas, là, tu sais, c'est pas nécessairement... ce qui attire le plus de monde. Non. Ça fait trois fois qu'on le fait. On a fait Rétro Nouveau. Il y a eu Gay Collectif. Ouais. Il y a eu Soirée du podcast. Mais ça dépend. Tu sais, je pense pour qu'il y ait beaucoup de monde, il faut que la communauté du podcasting se déplace un petit peu. Exact. Comme, mettons, les Mystérieux au Brouhaha, tu sais, la place va être pleine. Là. Mais tu sais, nous autres, c'était plus... Il y a du monde qui joue aux machines quand même. Ouais. Le monde n'était pas là tant que ça pour le show, à part les amis. T'sais. Ouais, exact. Mais malgré tout, on donne un bon show pareil. Ben oui. Ceux-là qui ont été là, ils sont bien amusés. Non, mais ouais, de toute façon, plein on peut, le regarder live. Là, puis, Il y avait pas mal de monde qui quand même... Il n'y avait pas énormément de monde qui était là pour le podcast. Ouais. Mais ceux mais qui étaient là, soirée, ouais. Ceux qui étaient là, ils étaient là pour. Ils étaient là, là. Ouais, c'est ça. Ils sont restés jusqu'à la fin. Oh, ouais, des vrais fans. Des vrais de vrais. Mais moi, c'est pour ça, d'ailleurs, GF, je sais pas si tu voulais dire quelque chose de spécial à propos de cette soirée-là. Non, non. Merci Arcade Montréal de nous avoir reçus. Puis on va revenir n'importe quand pour faire un autre podcast de hockey. Puis dire de l'avant avec les fans, c'est tout le temps vraiment plaisant. Puis, c'est pas mal le fun. Shout-out au gars de Diva Quest qui était descendu de Joliette pour nous voir. Vraiment cool, ça. Ouais. Ouais, il était venu avec c'est malade, Steve de Two Players Mode. Fait que, des chic types. Ouais. Steve, il va sur leur podcast Diva Quest aussi, des fois, je crois. Ouais. Du monde dans ce coin-là. Ouais, c'est génial, ça. C'était bien le fun. J'osais avec... Ben, pas moi, beaucoup. Martin a jasé beaucoup avec Steve d'Arcade. Là. Ouais. Steve, dans le fond, l'arcade Two Players. Attends, la rétro arcade 2PM. Okay. Qui est un projet comme on était avant, là, dans le fond, sauf à Saint... Fuck, j'oublie tout le temps le nom. Saint-Joachin de la Pérade. Saint-Félix de... Valois. De Wendover. Ouais, Saint-Félix de Valois, ça se peut-tu, ça? Proche de Joliette, là. Ouais. En tout cas, ouais. C'est, on là, les aide pas présentement. Allez, allez la voir. Non, mais allez voir sur Facebook. Two Players Montazan. J'ai pas Facebook, j'ai allez pas de carte. Allez voir ça. Ils ont des belles machines. Nice. Puis parlant de belles machines, moi, je veux faire un petit retour sur la vente qu'il y a eu chez Arcade Montréal ce samedi. Deuxième édition qu'on fait dans le bar. Sinon, on avait fait ça sur Moreau une shot avant. Puis on avait personne pour filtrer là, au début, en tout cas. Ouais. Jusqu'à ce qu'Éric Théroux s'en mêle. Fait que là, c'était le bordel total, le chaos, man. Mais là, dans le bar, on avait un doorman à chaque fois. Donc, okay. Il y avait un doorman samedi. Puis là, ça va bien, ça filtre. Là, oh, parce que sinon, ça rentre pas. Tu sais, t'as pas de doorman. Le monde dit, oh, on est tout pognant dedans, on se fait piler dessus. Ouais. Là, tu mets un doorman. Oh, ben là, on attend dehors. Ben, là, ouais, là, faut attendre dehors. C'est ça qui est ça. Parce que la place n'est pas immense. Fait qu'il y a quand même du stock en masse, en masse, en masse. Et puis, j'ai calculé qu'il s'est vendu pour à peu près 20 000 piastres de stock. Wow. Ah ben, ouais, en 4 okay. heures. Wow. Fait que ça, c'est vraiment hot. Ça marche, ça veut dire. Ça marche très bien. Là. Donc, il y a un gars qui a acheté un Odyssée en boîte. ouais, c'était... Le gars le plus heureux de la journée. Il y a un bel Odyssée en boîte, déjà modé, là, composite, là, parfaite pour brancher sur ta grosse TV. Oh, fait que non, ben il y a tout le temps les mêmes vendeurs. Il y a une partie des mêmes vendeurs qui reviennent, les Retro Warriors, Fred Gémus et puis... Ouais. C'est bon. S'ils nous écoutent, c'est parce que j'ai fait un logo pour eux autres avec un petit gros pénis. Ah oui, c'est vrai. Ça rappelle? Oui, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je pense à ce nom-là, je vois des pénis partout. Le King de Saint-Eustache est là tout le temps. Il y a beaucoup de stock, il fait des bons prix. Sérieux, rien que pour lui, ça vaut le déplacement. Ouais. Il est vraiment cool, Vincent, puis il y a plein d'affaires. Fait qu'on boit de la bière, on vend des jeux, puis les Power Chasers sont là. Michael mettait de la musique de jeu en arrière. Ah, on, c'est on cool. On se fait des grosses 50 sur la tête. Puis après ça, on va manger au Saint-Buck, puis on revient, puis on game. Très belle journée. C'est donc, vraiment cool. Ouais, c'est un beau succès, sérieux. Ça marche bien, puis on va continuer d'en faire. Ah ouais, c'est ça. Ça devrait revenir régulièrement quand même, parce que c'est assez... Ouais, ben, tu sais, ça a l'air de fonctionner. Là. On dirait que les gens aussi en ligne disaient qu'il manquait peut-être de place ou qu'il aurait dû avoir plus de monde, je sais pas trop. Ben, il y a un autre qui disait « Ouais, ça, vous devriez faire ça ailleurs, dans une grande salle. » Ben, non. Non, on mais c'est que ça. Le monde, ils viennent dedans le bar boire de la bière. Puis en plus, si c'est trop grand, il n'y a pas d'ambiance. T'es ben là, non, c'est ça. Y a pas, là, c'est tu vois, c'est ça. Il y a un line-up, il y a de l'engouement. Ben c'est oui. jam-pack, mais c'est chaleureux, c'est personnel. Analyser, c'est de party, on veut pas que ça soit... C'est fun aussi que vous servez du bar à faire autre chose que juste le bar. Il y a des podcasts, ben des ventes, des sortes d'affaires de relier avec le bar. Les activités, vous aidez la communauté. C'est qu'on s'en serve de ce bar-là. Ben si tu fais ça dans une grande salle éclairée au néon, c'est pas la même chose. C'est un buzz-là, c'est clair, tu t'entends... Mais les réunions du CCJVQ, c'est comme ça. T'sais, c'est dans un sous-sol d'église, carrément, maintenant. Dans un grand sous-sol d'église avec les néons, tout ça. C'est très communautaire comme look. Mais c'est un autre game. T'sais. Là, c'est des collectionneurs non, c'est qui sont là. Ils ont des jeux rares. Ouais. Tout le monde magasine plus. Tout le monde sont piqués. Ça s'adresse plus aux collectionneurs. Ouais. Puis dans le bar, nous autres, c'est vraiment grand, grand public. Fait que, ouais, les Mario ça. Bros, les Donkey Kong, ça vend. Mais Matt Bennett, Steve, de la commission des Geekers, il était là aussi. Il a parlé des jeux de Saturne, des affaires japonaises. C'est des jeux à 200-300$. Ouais. Ça, c'est pas vendu du tout. Fait que, non, c'est deux crowds. C'est grand public. Là. Exact. Fait que, c'est les important que ça existe, des événements de même. Ben, moi, je trouve ça le fun. Parce que moi, je suis grand public. Tu sais. T'es grand public. Je suis grand public. C'est moi le public. Tu prendras congé de la famille la prochaine fois. Ouais, c'est tu ça. Tu viendras avec nous autres. Ça m'a fait chier de le manquer parce qu'en plus de ça, moi, j'ai vu tes acquisitions. Puis j'étais pas mal jaloux. Ah, il y avait du beau Game Boy Advance. Si, ton Kid Icarus en Game Boy. Là. Mm. Ah, il y en avait beaucoup. Vincent en avait plein. Là. Ah, ouais. Calique. Bon, alright. Fait qu'à part ça. Fait que sinon, à part de ça, moi, je voulais rappeler aux gens que je fais des critiques vidéo. Vous vous rappelez les critiques qui ont passé dernièrement, c'est ça. J'ai fait récemment la critique de Dragon Quest 7. On a mis ça sur notre Facebook. Il l'a sur YouTube et sur notre site web. C'est ça, c'est vraiment un jeu écœurant, sérieusement. Je ferai pas de critique ce soir sur le podcast, mais je vous dirais vraiment d'aller voir ça parce que c'est vraiment de la bombe. Un excellent RPG, c'est possiblement le meilleur RPG qui existe sur la 3DS présentement. Fait que allez voir la critique, c'est un petit 3 minutes et demie qui vaut la peine. J'ai fait aussi la critique de Last Fight, qui est un jeu de combat super intéressant. Si vous aimez Power Stone, vous allez vraiment triper. Yes. Allez voir ça, c'est vraiment un hidden gem. J'ai aussi fait la critique de You, qui est un petit jeu indépendant, un petit platformer qui joue avec la couleur. Vraiment cool. Et puis, prochainement, dans vraiment pas longtemps, en fait, je vais faire Slain, qui est une espèce de Castlevania-like side-scroller. Cool, vraiment, vraiment cool. Puis aussi, je suis en train présentement de faire la critique de Paper Mario Color Splash, avec lequel j'ai énormément de plaisir, sérieusement. Sauf que il y a tellement de stock, finalement, je m'attendais à un jeu qui serait pas trop long à finir. Ouais, c'est long. Finalement, c'est vraiment gros, là. C'est assez énorme comme univers, fait que c'est ça. Je vais critiquer ça sous peu. Nice. Mais ça s'annonce bien, sérieusement. On dirait que c'est le dernier titre pour la Wii U, le dernier gros titre pour la Wii U. Ben, ça va sûrement être Zelda, là, mais... ça va sûrement être Zelda, ouais. Mais tu sais, Zelda serait après, conjoint la NX, avec la NX. Ouais, ouais. Mais c'est ça, oui, Paper Mario, en effet, c'est un gros titre. Moi aussi, je l'ai commencé, en fait. Je suis peut-être rendu un peu moins loin que toi, là. Alors moi, quasiment 10 heures, je suis pas mal moins loin que toi. Là. J'ai comme une heure, probablement une heure et demie. Là, fait que, mais beau jeu, en effet. Ouais, vraiment. Donc, parlant de Mario, oui. On a été au musée Grévin, Bruno et moi. Pas toi, Mario. On parle pas de Mario Ramos, excuse-moi. Hey, mais le segue était malade. Écoute, c'est ça, il y a une exposition Mario Nintendo. Oui. Dans le fond, un musée Grévin, c'est le musée de cire au centre Eaton. Puis, donc, c'est ça, il y a comme une nouvelle pièce, comme une espèce de vocation familiale. Fait qu'il y a des grosses, je dirais, statues de Mario en Mario Maker. Ouais. Il y a des Koopa Troopa que Bruno et moi, on s'est fait on a eu du fun prendre en photo. Ben, c'était malade. Puis, d'ailleurs, c'est le musée Grévin a choisi la photo de Bruno et moi qui se faisait prendre en photo. Ouais. Fait que c'est super méta. Fait que vous allez voir le Facebook officiel de... Il disait que c'était bon de prendre des photos. C'était l'endroit idéal pour prendre des photos. Fait que tu vois, moi puis Nick qui fait les guignols, on des Koopas. Ça vient de l'air... C'est vous deux qui avez de l'air le plus en cire. C'est pour ça. Hey, ces gars-là, ils ont le teint cireux, là. C'est parfait. Ils sont-tu morts? Alors, ils sont juste fin trentaine. Mais tu sais, tout ce botox qu'on se fait injecter tous les semaines... Finalement, ça paye. Finalement, on se posait la question. Des pommettes luisantes. Il y a du stock pour déguiser les enfants. J'ai vu ton Evil Luigi de fils. Exact, mon gars, creepy au bout. Sérieux, vous allez avoir du fun avec les enfants. Puis c'est vraiment une... En fait, c'est une belle addition au musée Grévin. Ouais, on pourrait fait, pas c'est... dire que l'exposition seule, c'est l'affaire la plus écœurante au monde. Ouais, c'est pas comme... C'est comme un complément, si on veut. Ça, le musée Grévin. En fait, non, mais le musée Grévin, c'est un musée de... Parce que moi, je regarde la statue de tir d'Éric Salvaille dans le métro, mettons, je me dis, Chris, je riche jamais. Mais faut pas... Moi, je tiens à dire une affaire. OK, en photo, les musées de tir en photo, moi, je suis allé à 2-3 musées de tir dans ma vie. Et puis, en photo... Ah ouais, je les cours. Ça roule, il est batteur après. Puis, en photo, ça rend pratiquement jamais justice. Parce qu'il faut vraiment que tu aies le bon angle. Puis tout ça. Quand tu arrives en vrai puis que tu vois vraiment le travail de l'artiste, sérieusement, c'est assez impressionnant et creepy. Non seulement, c'est creepy en tabarnouche. Moi, j'étais là, puis il y avait genre Rousseau, l'humoriste. Ah, j'aimerais ça voir de Stéphane Rousseau. Il était tellement épeurant. Il avait vraiment l'air vrai, tu sais. Ouais. Puis, moi, c'est... Jean-Pierre Ferland, qui était ultra épeurant. Tu le regardes, il a l'air de vouloir te minoucher. C'est incroyable. Comme le vrai. C'est un minoucheur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un homme qui aime toucher. Là, ouais. Pas d'un point de vue négatif. J'ai jamais été dans le point de vue négatif. Mais c'est vraiment... Comment ça peut ne pas être négatif? Tu marches, puis le monde te regarde. C'était épeurant un petit peu. Parce que tu peux prendre un verre avec les célébrités. Mais c'est ça, ce que j'allais dire tantôt, en fait... Déjà dans un magasin de vêtements, quand tu passes à côté d'un mannequin qui n'a comme pas de trait, si tu le regardes pas directement, t'as comme l'impression qu'il y a une présence. Il sent que tu regardes, Puis c'est déjà comme weird, j'aime vraiment pas ça. Un magasin de vêtements à cause de ça. Oh, mais là, tu te sentirais tellement mal, là, sans arrêt. Je me sentirais vraiment pas bien. Surtout la personne qui fait le ménage là, le soir, là, elle doit tellement avoir la chienne. Tu te retournes, ah, c'est-tu Jean-Pierre Ferland, mon gars, qui te regarde, c'est-tu. Il y a une chance qu'on ça. Tu te retournes, puis il a bougé, tu sais, il est plus proche de toi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il est tout le temps plus proche. Ah ouais. Il doit se jouer des tours. Okay. Tout ça pour dire que l'exposition Nintendo, c'est comme une belle addition à leur grande exposition à Grévin, parce que c'est ça, c'est comme une grande salle, c'est comme une salle de montres, sauf qu'à la place d'être des chars, c'est des jeux. Puis t'as à peu près tout le meilleur de Nintendo qui est dans la salle. Ouais. Les enfants ont eu un fun mongol. Mon gars voulait pas s'en aller. Il m'a donné un très grand coup dans la jambe. Sérieux? Ouais, ben je l'ai pris pour partir. Puis ça y tentait pas pantoute. il m'a kické proche de la réserve. Ah, il s'assurait que c'est son héritage serait pas splitté en trois, tu sais, c'est ça? Oui, son héritage est foutu. Ouais, mais c'est ça, fait que bref, on a eu vraiment du fun. Ouais. Puis les enfants ont vraiment aimé ça. Puis il y a même la piste de course de Mario, tout ça. Bref, c'est bien fait. J'ai l'impression que c'est une exposition qui va évoluer. Ouais, ben c'est temporaire. Quand en même, fait. C'est temporaire. Jusqu'au, ouais, c'est jusqu'au 8 janvier. Fait que ça même, va disparaître après. C'est un essai. Vieux, va, ben, les deux. Mais sérieusement, il va avoir du fun. Ouais. Ton plus vieux, mais même ton plus jeune, là, il va aller jouer avec les statues. T'sais, le Mario, il est tellement énorme que c'est impressionnant là, pour n'importe qui. Même, t'avais plein d'adultes qui étaient autour. Qui étaient comme, check, je fais ça, Pig Mario. Ouais, tout le monde tombe en enfance quand ils sont autour de ça. Fait que c'est une très, très belle expérience. Ouais. Anecdote par rapport, mais un peu rapport, c'est que. Miyamoto aurait confirmé dernièrement que Super Mario aurait seulement 24-25 ans. Colin, creepy ça! J'aime pas ça, on dirait penser que c'est un adulte. Ah, moi, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Il est tout petit. Ouais. Ben, non, mais j'ai donne, on dirait que dans ma tête, je donne pas d'âge. Moi non plus, j'ai pas d'âge. J'aime pas ça, il donnait un âge. Pas d'âge. Luigi Mario, dans ma tête, ils ont 35 ans. Ils sont semi-jeunes, semi-vieux. Hey, mais s'ils ont 35 ans, ils sont... Mais tu sais, au Japon, de quoi t'as de l'air dépendant de ton âge, c'est vraiment c'est une vrai. Autre game. C'est là. Deux choses. Tu regardes les développeurs qui... Chris, ils ont 25 ans. Ouais, non, exact. Ils ont 50, mais ils ont l'air d'avoir 25 ans. Oui. Ah ouais, eux autres sont jeunes pour toujours. C'est parce qu'ils mangent bien. Eh oui. C'est ça. Tout ce poisson cru. C'est la radiation. Tu sais, Miyamoto, il est en forme. Oui, Miyamoto, il a l'air jeune encore. Puis, pas quel âge qu'il a, il doit avoir. C'est mieux pour avoir travaillé sur. Au moins 80. Quand même fou. Non, mais je sais pas. Par quelqu'un de qui ça intéresse. Là. Ah ouais, c'est sûr. All right, guys. On peut pas rien dire de mieux que ça, fait que. On va passer. On va passer à la première critique de ce soir. Moi, je vais vous parler d'un petit jeu bien le fun. Un petit jeu bien louche qui s'appelle Push Me, Pull You. Oui. Ah, ça, là. En fait, ce soir, le show va être teinté beaucoup du WEG, notre oui. Weekend Gaming. Exact. En fin de semaine passée. Mon ouais. jeu, il vient de là. Bruno aussi. Puis en discussion, on va parler des jeux de WEG. Oui, exact. Même entre le mien aussi. Entre autres. J'ai joué au WEG. Hein? J'ai joué au WEG aussi, au mien. Ah, toi aussi? Ah, ouais, oui. Ah, je l'ai même pas vu. Nick, ouais, ça venait de là. Ah. Deuxième étage. Bon, ben, tu vois. C'est WEG teinté. WEG teinté. Chercheur. En tout cas, vas-y. Tintweg. OK, c'est ça. Fait que Push Me, Pull You. Ah, la fiche technique est là. C'est ça. Bref, ce jeu-là, c'est comme un... C'est un espèce de jeu qui joue vraiment en gang. Fait qu'il y a quatre personnes qui vont avoir une manette chacun. Chaque personne contrôle une extrémité. Parce qu'en fait, c'est comme des grands humains. C'est comme s'il y avait deux humains qui étaient collés ensemble. Exact. Pour faire un très, très long... Humain. Humain. Mais ils ont juste forme. Une tête puis deux bras. T'sais. Ouais, c'est ça. Collé cul à cul. Exact. Fait qu'ils s'agrippent. C'est comme les Human Centipede, mais beaucoup mais mieux, c'est ça, beaucoup plus. Ouais, à exact. L'envers. C'est vrai. C'est deux hommes troncs que tu colles. Ouais, exactement. C'est louche à souhait, en fait. Ah ouais. C'est extrêmement louche. Fait qu'on choisit une teinte de peau, une couleur, une face et puis des cheveux. Puis après ça, on s'en va dans une espèce de rond. Ça fait penser un peu. Pokéball. Voyons, Colin. Ben, ouais, Pokéball, mais en fait, ça, c'est comme les sumo, en fait. C'est que le but des sumo, c'est de pousser la personne à l'extérieur du rond. Là-dedans, on essaie de garder le ballon à l'intérieur du rond, puis surtout de notre côté. Fait qu'il y a deux côtés. Il y a un rouge et un bleu. Donc, les rouges essayent de le garder à l'intérieur du rouge. Les bleus essayent de le garder à l'intérieur du bleu. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'il faut enrouler le ballon ensemble, les deux, faut coopérer, faut se parler, faut se gueuler après, puis on va essayer de le ramener de notre côté. C'est une technique qui a l'air assez simple, mais quand même, c'est assez difficile. Puis ben, t'as un bouton pour étirer le corps, ouais, un c'est bouton vrai. Pour rapetisser le corps. C'est fait ça. N'importe quand, il y en a un qui pèse sur la gâchette, puis ouais. ton abomination s'étire ou se rapetisse, tu sais, parce que tu peux englober l'autre, enrouler le ballon. Tu sais, il y a pas vraiment de stratégie, mais tu sais, ben, j'en ai trouvé une petite où t'essayes de creuser là entre deux bouts de peau là, puis tu rentres jusqu'au centre. pour aller chercher la balloune. Fait que ça, c'est possible. Fait que c'est ça, that's it, c'est ça le jeu. Puis en fait, c'est vraiment le fun en gang. On peut jouer aussi à une personne où on va contrôler les deux extrémités avec les deux joysticks. Je le déconseille fortement, c'est pas le fun. OK. C'est vraiment, vraiment pas le fun. Ça peut être drôle un peu, mais ça va vraiment être une curiosité. Là, on joue pas à ça. Mais c'est vraiment un jeu qui se joue à 4 et qui est le fun à 4. Il y a des variantes dans le jeu. Donc, il y en a une où on a plusieurs ballons. Il y en a une autre où il faut qu'on sorte le ballon. Il y en a une autre où il faut qu'on sorte l'équipe au complet avec le ballon. OK. Fait que c'est ça. Il y a des petites variantes qui sont intéressantes. Mais c'est quand même un jeu qui est super le fun dans une soirée où tout le monde est bien pacté. Ah, c'est ouais, vraiment c'est un jeu génial pour ça. Sauf que c'est un jeu qui est quand même assez unidimensionnel. Là. Il n'y en a pas énormément dans un sens. Ouais. Mais ben, ça en prend. C'est correct. Ça. Ben c'est, oui. C'est correct de même. Puis le jeu le fait bien comme ça. Puis c'est le fun parce qu'on entend aussi des bruits d'étirement qui ressemblent à du plastique. Ah oui. Tantôt, je m'imagine ce jeu-là en fait. En 3D ultra oui, en vrai. Là, avec la peau qui est visante. Moi, je le ferais là, comme Pit Fighter est fait, là, avec ah, des ouais, photos qui bougent. Ouais, là, ouais, cheap, photo réaliste, là, Mortal ouais, Kombat. Comme Mortal Kombat, en fait, ouais, exact. Ça. Fait que tu sais, ça serait beau. Mais c'est ça, bref. c'est un super bon jeu. Si vous avez des amis qui ne jouent pas nécessairement aux jeux vidéo puis que vous êtes une gang, vous voulez jouer, vous voulez faire la party, c'est quand même une très bonne option. Fait que c'est ça. Juste une note avant. Vas-y. Tu sais, ce jeu-là, là, c'est peut-être subtil, mais c'est comme un bijou de feedback aux joueurs. Parce que quand tu dois dominer une zone pendant une période X de temps, la zone agrandit puis elle change de couleur. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... C'est un petit détail, mais ça fait que c'est réfléchi quand même. Oui, oui. Ce jeu-là, c'est pas juste... du monde qui s'étire puis qui ultimement ça a l'air n'importe quoi, mais tu sais, c'est un beau petit jeu. Non, mais il est bien fait, en fait. C'est très bien fait. C'est ça. Ce qu'il fait, il fait bien. Puis aussi, à noter, tu me fais penser, avant de commencer la partie, il y a une période où tout le monde peut essayer les contrôles avant que ça commence. Oui. Ça, je trouve que dans un jeu de party, ça devrait être une norme. Tu peux skipper, là. Tu peux, là, les quatre joueurs peuvent faire comme, bon, mais c'est assez, je sais jouer. Mais tu peux aussi essayer les contrôles, puis c'est fair pour tout le monde, en fait. Exact. Ça, je trouve ça le fun. Fait que c'est ça. Bref, je lui donne... Ben, je suis pas prêt. Ah oui. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire pendant ce temps-là? Le chat est rendu. Je l'ai même pas dit. Mange des ben, dis les je lui donne un 3.5 sur 5. Ouais, c'est pas mal ça. Puis ça coûte 14,99. Ouf, quand même. C'est quand même un gros prix. C'est pour ça, tu sais, comme quand j'ai donné ma note, tu sais, j'allais y donner un 4, puis après ça, je regardais le contenu du jeu, c'est je ça. Regardais le nombre de temps que je vais jouer à ce jeu-là, le prix, tu sais, c'est 15$. Je sais pas, c'est cher pour ça, une affaire de même, là. Quand tu considères que ben, Dive tu Kick. Tu jamais à ça tout seul. Jamais. Exact. J'ai essayé, puis non. Ouais. Puis, tu sais, Dive Kick, là, il vient en spécial à 1$, tu sais. Ouais, mais puis... j'ai trouvé ça de la merde en Chris. Sérieux, j'ai pas aimé ça partout. Non, moi j'ai ben, peut-être parce que j'ai joué contre Monsieur Boisson, puis il m'a éclaté tout de suite en partant parce qu'il avait joué au WEC de Québec moi, c'est là, pour toute ça. Sa vie. Peut-être. Mais j'ai pas aimé ça, man. Là. Ah ouais, c'est pour ça, c'est parce que t'as perdu que t'as pas aimé ça. J'ai trouvé ça le fun, moi, ce ouais, jeu. Ouais, mais j'étais comme. Je sais pas. Non, c'est deux boutons. Ça s'est fini en 2 secondes. En fait, tu sais, quand on avait fait la critique, j'avais comme pas réalisé que tu peux pas te déplacer. Non, c'est non, ça, tu peux rien faire. Juste comme sauter puis kicker. Puis là, j'étais comme. Ça m'a comme surpris sur le coup parce que j'avais pas encore joué. J'avais juste vu la critique à Nick. Ouais. Puis, ben, j'ai perdu la première ronde. Puis... Ah, c'est ça. Moi et Mario, on n'a pas aimé ça. Donc. Ben, c'est clair que. On est retourné dans le sous-sol. Si jouer t'as jamais joué. Exact. Si t'as jamais joué, ta première game, elle risque d'être difficile. Ouais, brutale la j'ai première. J'ai pas pu jouer game. Plus la longtemps. La courbe d'apprentissage parce que est courte. C'était un tournoi. Ta troisième game aurait été top notch champion. Il n'y a pas tant de profondeur. Vas-y, une chance. Trop tard, man. Une pièce. C'est fini. Ben, j'ai même pas la console pour jouer, de toute façon. Non, c'est ça. Oh, tu vas l'avoir un moment donné. Je vais parler d'un autre console. Vas-y fort. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. Un jeu de Game Boy que j'ai joué au WEG. Oui. Parce que. T'as parlé de Game Boy à dernier épisode. Toi ça? Moi? Mais oui, t'as parlé de Zelda. Ah ouais. Sur Game ben Boy. Là, ça compte pas ça. Ça compte pas ces affaires-là. Des spéciales. Spécial. Des bagatelles. Non, parce qu'au WEG l'année passée, moi puis Zef puis Michael, on avait essayé de finir Castlevania 2, Battle of the Revenge au Game Boy, puis on avait chié le truc à la fin, puis là, on était « Ah, fuck it », on avait abandonné, tu sais. C'était de ma faute, là. J'avais dit « Hey, les boys, là, au lieu qu'on recommence, mi-level ouais. au boss qu'on n'est pas capable de battre. On va prendre le password, puis on va recommencer direct au boss. Mais finalement, le password nous recommençait au début du niveau complètement. Fait que là, on était comme, ah non, ça me tente plus. Fait que là, ouais. cette année, on s'est revengé. On a fait ça. On a fait la Belmont's Revenge. On a fini le jeu. Et puis, on a fait Castlevania Legends. Ouais. Le troisième jeu au Game Boy. Ouais. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est un jeu qui est sorti tard, ça, sur le Game Boy. On ben voit ça, ici sur la pochette. J'ai jamais joué à ça. Ça, c'est peut-être la version PAL. Oh, mais belle en tabarnouche. Mais c'est la même affaire. Mais ouais, c'est la version PAL, ça. C'est un jeu qui est adapté à la Super Game Boy, c'est-à-dire okay. que quand tu le boot, il va avoir un frame spécial qui apparaît. OK. Oh. Précis, custom pour ce jeu-là. Ah t'sais. Ouais, c'est nice. Donkey Kong, il l'a aussi. Battle Arena, Toshin Dentley, Late Race. Les jeux en fin de vie, ouais. Exact. Ils ont tous. Si t'es sorti après Super Game Boy, tu l'as dans le fond, c'est ça? Ouais, je pense que ça doit être ça, la norme. Ouais, c'est ça. Et puis, Mole Mania, tu sais, des affaires de même. Et puis, on a joué sur Super Game Boy, ces jeux-là. Et puis, moi, j'ai acquis ce jeu-là il y a très longtemps. J'avais acheté ça sur eBay parce que j'aime les Castlevania. Et puis, je l'avais payé genre 70$ dans le temps, ce qui était très cher. Puis, les balles n'est pas beau. Puis, aujourd'hui, il vaut encore plus. Ça vaut vraiment cher, ça. C'est rare, là. Ouais, ouais. Et puis, c'est l'histoire de Sonia Belmont. Okay. Puis, dans l'histoire, ça serait la première des Belmont. Ah, et puis, ouais. Bon, elle se rend jusqu'à la fin. Puis là, il y a Alucard qui est là. Alucard, c'est son amoureux. Puis là, il se challenge. Et puis, bon, tu bats Alucard, ton amoureux. Puis, Alucard est là pour stopper Dracula. Fait que toi, à la place, c'est toi qui vas le faire. Tu sais, c'est comme... Tu bats ton ta blonde, ben ton chum, tu sais, puis tu vas battre ton beau-père. En tout cas, c'est bizarre. Une belle histoire de famille, ça. C'est une histoire de famille, mais IGA, le d'autre qui a fait les Castlevania, là, j'ai pas noté son nom. Là. Mais, ah, oui, encore. En tout cas, lui, il ouais. dit que ce jeu-là, c'est un peu une abomination. Tu sais, il trouve que ça n'a pas sa place, là, ça casse le timeline, et puis c'est pas, c'est pas très hot, là, tu sais. Mais... ça reprend le gameplay de Castlevania 2, ce qui est une bonne chose, là, sérieux, parce que le Castlevania 1 est vraiment de la merde. Ce qu'il y a de le fun là-dedans, c'est qu'on peut sauter au travers des plateformes puis monter plus haut. Par contre, tu sais, le 2 était... C'est Koji Igarashi. C'est ça. C'est son surnom, Iga. Iga, c'est son surnom. Ouais. Excusez. Et puis, comparé au 2, tu sais, le 2, c'est un gros jeu. Là. Fait que comparé au 2, il y a moins de stock en background. Les sprites des monstres communs sont comme vraiment génériques. Par contre, les monstres plus loin, là, les grosses armures qui t'attaquent sont beaux. Et puis quand t'as du dialogue, il ouvre une fenêtre avec le visage, tu sais, un peu comme dans Symphony of the Night. Très japonais style. Puis ça, c'est très beau. Ça, c'est surprenant pour la machine. Donc ça, j'aimais ça. C'est bizarre un peu parce que dans chaque niveau, t'as plusieurs chemins que tu peux prendre. Dans chaque niveau, t'as un item spécial que tu peux trouver. Et puis, il fait rien. Tu fais juste les collecter comme ça. Puis si t'es à toutes à la fin, ben t'as une fin différente. Mais on s'en crisse un peu, tu sais, puis ça fait chier de chercher ça. Dans le premier niveau, t'as comme une trappe, c'est un piège, genre tu pètes le chandelier, puis là, bah, tu tombes dans un trou, puis là, il y a des zombies qui pop sans arrêt. C'est vraiment chiant, là, tu sais, aucun but, là, pas rien que faire chier le monde. Donc, c'est ça. Il a l'air aussi lent que l'autre. Moi, c'est ça qui me fait chier. Non, le premier, il est extrêmement lent. Ouais, ça le 2, il est premier. Correct, puis le 3, il est à la même vitesse. Okay, okay. À l'écran même, ça n'a pas de l'air. Là, ouais, mais ouais. La vitesse est bonne. C'est quand même mieux. Okay. Mais par contre, c'est pas juste. T'sais, regarde, à chaque fois que tu sautes d'une plateforme, il t'envoie direct une chauve-souris au-dessus de la tête. Ouais. Là, le gars, il est expérimenté. Là. Cheap mais, death. Tabarnak, que c'est cheap tout le temps. Ouais. Là. Tout le temps, là, il t'envoie une marde. Les sprites des ennemis sont vraiment gros, surtout les araignées. Les araignées sont très, très grosses, effectivement. Les chauves-souris aussi, mais il y en a des plus petits au début. Là. Il y a des araignées qui sortent des chandelles. Ouais, ça c'est le bout où est-ce qu'il faut pas que tu bâches les chandelles parce qu'il y a un monstre dans chaque chandelle. Donc, tu vois, c'est un autre piège. On s'est fait pogner là comme des pee-wee. On commençait ça à brasse. C'est sûr que tu te dis, il y en a sûrement une qui va donner quelque chose de bon. Ouais, mais ben, ouais, exact. Aucune... Alors, regarde, là, il y a un gros pénis qui sort. Ça, c'était les pénis, là, un genre de trémor. Mais vraiment nervuré comme un bat. Là. C'était spécial. Là. Wow! Fameux phallulium. Ouais, ça, on les aimait beaucoup. Ouais. Puis, donc, on l'a fini, le jeu. Ça a été un projet, là. Ah ouais. Sérieux, on a passé vraiment un jeu de qui vous aime pas. Là-dessus, puis on était en crise, là. Ça a pas l'air le fun, sérieux. Ben non, mais c'est bon, c'est correct. C'est Castlevania. Des projectiles ou c'est juste... Non, les projectiles au Game Boy, en fait, c'est juste le Game Boy qui fonctionne comme ça et Castlevania Rebirth. Tu pognes une première orb pour avoir ton fouet en chaîne. Puis la deuxième, ton fouet est plus long. Puis il lance une balle de feu. Ouais, that's it. Mais Mais ouais, puis ils sont pas généreux là-dessus. T'sais, quand tu l'as, t'es « Ah, oh, man, yes! » Elle fait pas mal, mais crissement pratique. Puis ah, ouais, ben c'est ça. Dans ce jeu-là aussi, il n'y a pas de sub-weapons. Dans le 2, il y avait les haches, l'eau bénite. Mais dans celui-là, il n'y en a pas. Par contre, tu acquiers des magies à chaque fois que tu finis un niveau. Okay. Donc ça, c'est pas pire. Là, il y a une magie, ben c'est comme le cadran. Fait que ça arrête longtemps. Bon, pas de quoi écrire à sa mère. Il y en a un autre, t'es invincible. Il y en a un autre, tu lances un projectile. C'est pas... Ça, c'est la mi-temps, ça? C'est 5 minutes. Il reste 2 minutes. Fait que c'est ça, tu sais. C'est pas fou, là, non plus. Donc, je dirais que c'est un Castlevania très générique. Ça vaut pas le prix, bien certain. Mais, tu sais, si t'es fan de Castlevania, tu vas vouloir le faire. Moi, je voulais le faire. La musique est correcte, mais... Elle n'est pas emballante, là. Tu sais, c'est un jeu qui a ses bons moments, mais overall, c'est pas... Ouais. Puis ça ne fit pas dans le timeline. Puis après, quand tu finis le jeu, Sonia, elle tient un bébé. Puis là, c'est Simon Belmont. Oh! Fait qu'elle était enceinte tout le long. Ouais, c'est ça. Elle fait ça en ballon. En ballon. Mais là, le père, c'est Alucard. Ça le serait. Et ouais. Ouais. Mais ça, ça fonctionne pas du tout, vois-tu? Parce que dans Lords of Shadow, c'est autre chose. Ouais. Et puis dans Lament of Innocence au PS2, qui est genre le premier Castlevania avec Leon Belmont, il n'y a jamais fucking question de ça, là. Aucunement, jamais. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui coupe la timeline, qui est à l'extérieur. Ouais. Mais c'est sympathique. C'est la première fois que tu as une Belmont fille. Puis elle est assez badass, là, sur la pochette et tout. Donc, on l'apprécie. Ah. Alors, c'est un bon petit jeu. Je vais donner à ça roi.5. roi.5. Un 3.5 qui aurait pu être un 3.5, mais j'aime Castlevania. Puis, tu sais, il est correct pas à pareil. Côté, ouais. Vraiment, là, le 2. Là, puis c'est un bel effort, mais c'est pas un effort qui a été. Validé par IGA. Ouais, IGA. T'sais, comme ils ont comme fait ça, là, cowboy, là, tu sais, de leur bord. Fait que, mais ils s'en sont sortis correct, mais c'est pas à la hauteur de Castlevania. Là. Konami, ils ont l'air fin en Nasty comme compagnie. Ils laissent tout aller leur. Faites ce que vous voulez, Nasty. C'est ça. Dans le temps. Like, les, ouais. Mais ben non, mais c'est comme maintenant, le Metal Gear Solid de zombie tout croche qui va sortir, là. Quand j'ai lu Synapse, je pensais que c'était une site de fausses nouvelles. On dirait vraiment une joke. Sérieusement, là, cette affaire-là. Là, c'est... il y a un portail qui apparaît, puis il s'en va dans une autre monde. Des zombies. Là, on dirait Suda51 qui a eu le jeu, qui a fait fuck that, il a tout flushé, puis il a fait d'autres choses. Moi, je pense qu'ils ont fait un focus group, tu sais, puis ils disent ouais, on aime ça les zombies. Ouais, on aime les zombies. On aime les mondes parallèles. On aime les armes. On aime les mondes parallèles, les zombies, exact. Ben, on va mettre les deux. Ça tombe bien, on avait un trou dans le scénario. Mais on aime aussi le nom Metal Gear, ça vend des jeux. Mettons les trois ensemble. Ouais, tu pourrais-tu mettre genre un épée qui crache du feu? Ouais. Ouais, pas de problème, man. Ah, Simonac. Fait que là, avec tout ça, je pense que c'est Annick. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un titre qui est sorti fin août. Puis j'avais pas le temps de jouer énormément, tu sais, puis au Weekend Gaming, on s'est fait quelques parties avec Jonathan. KOF! Si vous êtes familier avec l'acronyme KOF, King of the Fighters, en fait, The King of Fighters, le 14, donc ouais, il y en a eu en tabarnouche, King of Fighters. À un moment donné, 14. Il fut une époque où il milquait ça tous les ans, tu sais, c'était comme le Assassin's Creed japonais à l'époque où il en sortait un par année, tu sais, c'est King of Fighters. Dans notre Neo Geo, quand on avait un multiboard, là, il y en a genre une dizaine, là, direct. C'est là, ça, tu sais, 94, 95, 2000, 2001. Il y en a tout le temps, tu sais. Pour être fair, là, combien de. Et c'est ça, j'allais dire. Combien de versions qu'il y a du 2, là, si tu comptes pas les Alpha, Beta, Super Alpha Street, Super Mega, Super Edition Fighter. Moi, je respecte ça, les franchises font juste dire on numérote, puis. Tu sais, même Resident Evil, je suis content qu'ils appellent ça le 7. Ouais. Parce qu'ils avaient appelé ça juste Resident Evil, tout le monde aurait appelé ça Resident Evil 2017 après pour faire la différence. Ouais. Moi, je suis content que, même si c'est différent, OK. Faut lancer les affaires, d'accord. Mais oui, puis ça l'a en plus. Fuck DMC. SNK, en fait, SNK, il y a un timeline, tu sais, fait qu'il se passe des affaires comme dans la première. Le premier King of Fighters, il y avait le Roshi Saga, puis ensuite il y a la gang de K, un gars cool qui a les cheveux blancs, puis tu sais, c'est comme un clone de Kyo, un autre personnage. Fait qu'il y a un timeline en fait. Ils vont jamais techniquement revenait à l'arrière. Des fois, il ramène quelqu'un qui était mort, là, parce que tu sais, c'est okay. pratique. Ouais, mais ça le... fait du bien. Parce que tout ça fucking. Ouais, c'est bien. Ça, exact. Ouais, exactement. mais c'est quand même une belle série, tu sais. Juste un petit mot, tu sais. Il y en a tout le temps qui disent qui ont jamais embarqué dans King of Fighters. Ils disent c'est une copie de Street Fighter. Mais il y a une raison pour ça, en fait, tu sais. Puis. Wow, Terry Bogart encore là. Ah ben clairement. Oh shit, Maxima serait mon homme. Tous les vieux de Art of Fighting, ouais, ils ont ramené, et de Fatal Fury. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Team Fatal Fury avec Mr. Bogart, les frères. Mais grosso modo, moi c'est ça, je parlais, pourquoi c'est une copie de Street Fighter. Ouais. Dans le temps de Street Fighter 1, t'as quelqu'un qui s'appelait Takashi Nishimaya. Excusez-moi. Nishiyama. On est insulté. Ouais, excusez-moi. Et Hiroshi Matsumoto. C'est deux personnes qui ont travaillé sur Street Fighter 1 et qui travaillaient chez Capcom, puis qui ont quitté, puis qui ont commencé à travailler chez SNK. Donc, ils sont partis avant que Street Fighter 2 sorte. Puis, ces gars-là, ils ont quand même travaillé sur les grosses franchises de fighting qui ont ultimement, qui sont devenues King of Fighters. Ouais. C'était justement Fatal Fury puis Art of Fighting. Ouais. Donc, eux, ils ont amené ce qu'ils ont fait un petit peu sur Street Fighter 1. Puis chez SNK. Fait que ces deux-là, tu sais, en Amérique, SNK a jamais eu la grosse cote, mais au Japon, c'était vraiment une grosse rivalité entre les deux, tu sais. Puis ça, c'est quand même. C'est très différent comme gameplay si vous êtes pas familier. C'est-tu Fireball comme mais c'est ça? Oui et non, tu sais. La plupart des caractères, ils en ont. C'est des Fireballs. Par exemple, les Supers, c'est souvent une boule de feu par en avant, demi-lune complète par en arrière, tu sais. Okay. C'est une nouvelle motion un peu. Mais c'est quoi, ça ressemble ça à Samurai Showdown ou un autre affaire de SNK? Ben, tu sais, le point commun avec tous les jeux de SNK, c'est qu'il y avait quatre boutons que tu utilisais pour le fighter. Fait que t'as deux pieds, puis deux points. Donc, un low, un high. Puis avec ça, tu fais certaines combinaisons. C'est un peu plus technique qu'un Street Fighter, tu sais. T'as des... Okay. T'as des hops qui sont comme un petit jump, t'as un high jump, t'as un jump normal. Tu sais, t'as des techniques dans ce jeu-là comme, ils appellent ça Just Defend. Si tu te défends juste à la dernière minute, je pense que t'as 7 frames pour faire ça. OK. Puis quand il te frappe, au lieu de perdre un peu d'énergie, là, tu sais, ça fait rien, puis c'est plus facile pour toi de faire une contre-attaque après. C'est assez technique. Donc, il y a quand même des affaires le fun. La barre de combo, c'est pas la même. Vous voyez, il y a 5 niveau de barre de combo, tu sais. Fait que complexe. Parce qu'il y a plusieurs niveaux que tu peux faire. Tu peux faire un super, un petit peu comme un super combo comme à Street Fighter, dans le fond. Deux boules de feu par en avant. Tu peux faire ça. Il y a un mode aussi qu'on appelle Max, en fait, qui va... c'est comme si tu l'actives, puis là, tu fais plus de dommages. Puis quand tu as ce mode-là activé, tu es capable de faire un super combo Max. Puis après ça, tu as le niveau le plus gros de super combo qui est climax, en fait. Okay. Fait que ça, là, c'est comme tu dois être en mode max activé. Tu dois avoir 3 barres de combo disponibles, puis d'avoir déjà le max. Puis en tout cas, avec ça, tu vas faire le plus gros attaque de tout le jeu. Ça a l'air compliqué, mais c'est assez bien fait. Puis il y a comme une hiérarchie dans les attaques très claire dans King of Fighters où tu peux faire un move régulier, que tu le cancelles en super move, que tu le cancelles en super combo, que tu vas pouvoir canceller en climax. Donc ça, c'est assez bien. Ce que j'aime de King of Fighters, c'est que les contrôles sont tight. C'est assez facile à commencer à jouer. Par contre, c'est un peu intimidant. Il y a 50 personnages là-dedans. Là, c'est tabouin aussi. Que ouais, non. Y a-tu un ou deux repeats? Oui, ben tu sais, il y en a genre 15 Ryu. Non, il n'y a pas de repeat, mais il y en a qui ressemblent un peu. Ryu, il ressemble à Ryu. T'as Robert Garcia qui est comme un peu un genre de Ken. Mais il y a 50 personnages à cause qu'ils ont juste additionné les personnages au fur et à mesure qu'ils ont pas enlevé. Il en rajoute puis il en enlève très peu, en fait. Il en rajoute tout le temps une couple de nouveaux. Là, il y en a quelques-uns nouveaux aussi pour ce titre-là. Mais c'est vraiment... c'est tight. Moi, les bémols de ce jeu-là, je dirais, c'est le premier jeu en 3D de King of Fighters. Eux, si on regarde le 13, dans le fond, il était comme en gros sprite dessiné à la main. Wow. Que je trouvais encore très, très beau. Superbe, le 13. Par contre, c'est quand même un 3D joli. Ouais. Mais tu sais, ils ont été un petit peu plus réalistes, clean pour moi. Oui. J'aime bien quand tu mets un espèce de style, soit du Street Fighter, cel-shading. C'est ça, Street Fighter, ils ont mis une touche que c'est du 3D, mais tu sais, c'est très beau. Eux, tu vois qu'ils débutent dans le 3D comme ça. Ouais. Il y avait un MMO SNK de Fighter qui était en Asie. Ils ont probablement pris quelques assets ou en tout cas l'expérience qu'ils ont eu là-dedans. Mais par contre, tu vois que j'ai hâte de voir la prochaine itération. Ouais. C'est pas laid, là, mais c'est juste... Non, mais ça, c'est un style générique 3D, exact, je trouve, au Japon. C'est, on dirait qu'il y a comme un dev kit que c'est ça. Exact, c'est trop clean. Tu sais, tu moi, vois je veux, suite, c'est... j'aime ça un petit peu plus de... dans une direction artistique plus unique. T'sais. Ouais, c'est ben, un peu c'est original, là. Surtout avec le nombre de fighters qui existent, il faut que tu sortes ton épingle du jeu. C'est ça. T'sais, l'autre bémol que j'ai trouvé, c'est le mode en ligne, en fait. Ouais. La latence, t'sais, les matchs, c'était pas toujours évident. T'sais. Une autre chose qu'il y avait, c'est qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça dans King of Fighters, ce qui est dommage. Fait que trouver un match, c'est un peu plus difficile. Ah ouais. Mais au début, c'est bien fait. Tu te fais des rounds de... je dirais, de qualification. Fait que tu peux faire jusqu'à 10 combats. Okay. Après ça, ils vont décider t'es à peu près où, puis ils vont essayer de te matcher avec du monde de ta force. Ça, c'est une bonne idée. Autre chose, contrairement à Street Fighter, quand il est sorti un petit peu plus tôt cette année, mm-hmm. King of Fighters a un mode arcade. Donc oui, vous pouvez jouer un mode arcade avec un mode histoire qu'ils ont chippé avec. Dans le fond, faut savoir qu'on choisit des équipes de 3 par défaut. Fait okay. que faut au moins que tu connaisses 3 fighters. Puis le principe, c'est quand tu as fini ton combat... ben, si t'en as un qui est survivant, il reste pour le personnage d'après. Okay. Fait, techniquement, tu pourrais battre les 3 personnages de ton ennemi avec un seul personnage qui est vraiment fort, tu sais. Fait que, pis y a un intérêt à rester parce que tu regagnes un petit peu d'HP. Oh non, j'ai fini ça! Tabarnouche! Il y a encore plein de choses à dire. Mais c'est ça, il y a encore plein de choses à dire sur cette franchise-là, mais moi, tu sais, mettons, on peut dire, c'est un super jeu, j'ai vraiment aimé. Il y a quand même des petits bémols. Tu vois que probablement que la prochaine itération, le 15, va être encore mieux. Mais si vous êtes un fan de fighting, genre que, si vous aimez Tekken, si vous aimez les Street Fighter, vous aimez les Blaze Blue, Guilty Gear, celui-là, il va aller vous chercher. T'sais. Il va plaire au hardcore, puis il va quand même plaire au monde qui sont un peu plus, je dirais... C'est drôle, c'est comme le moins populaire, on dirait, des fighters officiels. Tout à fait, tout à fait. C'est comme l'underdog. On le connaît mal quand même. C'est super niche parce que les personnages, là je vais dépasser un peu, mais les personnages sont très beaux. Si vous aimez les animés japonais, puis il y a quelqu'un là-dedans, il y a un gars, probablement que dans toute l'histoire des jeux vidéo, c'est dans ce jeu-là qu'il y a le Canadien le plus cool. Il s'appelle Maxima, man. C'est un badass. Ouais, mais c'est ça avec des faves. Il est écœurant, ce gars-là. Il a des gros faves. Tu sais, c'est un homme, là. Tu sais, c'est pas un jeune freluquet, là. Tu sais, c'est. Ouais, génial. Il est quand même Wolverine dans la série des Fighters. Mais il compte X-Men, pas vraiment parce que, tu sais, c'est un personnage de bande dessinée. Fait, oui, il est cool, Wolverine. Non, mais dans le sens qu'il est canadien. Ouais, lui. Oh, ouais, je suis d'accord. Mais je veux dire, tu sais, moi, je compte pas. Wolverine, c'est de la BD, là. Ouais, c'est ça. Là, on parle des jeux vidéo, là. Là, ils ont fait Wolverine en jeu. On est loin de Bear Hugger. Ouais, c'est ça, tu sais, man. Quand t'es assommé, il n'y a pas de saumon qui tourne autour de Maxima, tu sais. Puis autre chose. Tu bois du sirop d'érable. Pour les débutants, OK? Ouais. Ils ont fait quelque chose de vraiment cool. Si tu mâches le low punch, tu vas faire un combo. Tu fais juste. Wow. Puis si t'as une barre de super combo disponible, ça va donner un super combo. Okay. Il va faire moins de dommages que si tu le fais manuellement. C'est mais parfait, au moins, ça. Fait que ça donne une impression de faire quelque chose de cool, même si tu connais pas le jeu. Fait que, ouais, c'est ça. Pour toutes ces bonnes raisons de ce jeu, je lui donne la note de 4.5 sur 5. Donc, c'est quand même... Il est fait de la télé, là. Je pensais que t'avais craché. Donc, c'est ça. Si vous aimez les fighters, allez-y. Puis SNK, c'est une belle compagnie. Ça serait le fun qu'ils fassent d'autres titres. Ouais. J'encourage à l'acheter. Font-ils autre chose que ça, SNK, de nos jours? Présentement, ils ont peut-être. Je pense qu'il y a des rumeurs d'un Samurai Showdown dans le futur. Oh. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment confirmé. Mais ils font plus grand-chose. Ils ont les Metal Slug. Metal Slug qui est sorti sur mobile ouais. comme plus stratégie. Je l'ai pas essayé. Ouais. Je pense que c'est comme un Tower Defense ou je sais pas trop. Okay. Pas bon. Essayé, en tout cas, moi, j'ai pas aimé ça. Là. Ben dommage. Mais, en tout cas, ce jeu-là, allez-y. Puis, sérieux, là, à part passer énormément de temps et avoir du plaisir, il n'y a pas énormément de bémol. Fait que, let's go. Bel achat. Alright. Ça fait que, Mario! Ouais! Ça fait que je fais du Game Boy aujourd'hui aussi. Ah, c'est vrai! Mais soirée Game Boy. Couleur, celui-là! Ah, ouais. Oh, les couleurs! Il y a trop de couleurs! La face fond d'un couleur! Ça fait que je vais vous parler de Pokémon Go! Non, c'est pas vrai. Je vous parle de Pokémon de Training Card Game. C'est encore plus nerd. Ça, quand j'étais un sale... Hey, toi, tu sais comment donner le goût au monde. Quand j'étais un sale revendeur, ça, c'était tough à vendre. Le monde, il n'en achetait pas de ça. Les cartes? Ce jeu-là, précisément. Tu devais faire des lots avec. Ouais, tu le bundles avec les autres. Ouais, le bundle Pokémon. Il est resté sur la tablette pendant Christmas longtemps. Bundle avec une banane. Come on, man. C'est plein de potassium. Ah, oh, développé par Hudson Soft. Donc, c'est ça. C'est développé par Hudson Soft et publié par Nintendo. C'est une adaptation, en fait, du jeu de cartes, en vraie carte de Pokémon. Puis, ça reprend les règlements de ce jeu-là. Puis, mais ça mixe avec un graphisme qui nous fait penser au jeu de Pokémon traditionnel sur le Game Boy. T'as un petit personnage. Au lieu d'avoir une casquette, il y a un bandeau attaché dans derrière de la tête, ce qui est quand même cool. Puis, une question vite demain. Ouais. Si je veux jouer au jeu de cartes Pokémon maintenant, là, je vais au magasin, j'en achète. Ouais. C'est encore le même jeu? Probablement que... Peut-être qu'il y a certaines mécaniques qui ont évolué, certains... J'ai pas joué encore au jeu de Pokémon, tu sais, je joue à... Toi, tu commences Magic. Moi, je joue à Magic, puis tu sais, quasiment à chaque expansion, il y a des nouvelles mécaniques, puis ouais, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, ben, moi, j'achète des cartes à mes enfants, puis on est fourré, Ben. Ben, moi, j'achète aussi des cartes Pokémon, je comprends rien, mais ils aiment ça, ils regardent. Ouais, c'est ça, exact. C'est à ça que ça sert. Mais je crois que c'est une bonne façon d'apprendre à jouer, en fait, au jeu de Pokémon... Puis, donc, graphiquement, ça ressemble au jeu de Pokémon traditionnel. C'est ça, ouais. Tu peux te promener, sauf que, tu sais, au lieu de te promener vraiment dans une map vaste, c'est plus comme un menu. T'as comme une espèce de map avec un menu, puis tu choisis les gyms où est-ce que tu veux aller. Okay. Il y a comme un gym pour chacun des types de Pokémon. Mm-hmm. Qui c'est aussi les différents types d'énergie que tu vas utiliser dans ton deck. Okay. Donc, c'est un jeu, c'est un jeu de deck. Il faut que tu te crées... un deck avec des cartes de créatures, des Pokémon. Il y a des cartes d'énergie qui vont servir à permettre à tes Pokémon de faire des attaques. Okay. Puis tu as aussi des cartes, par exemple, une carte qui va te permettre d'aller chercher la carte que tu veux dans ton deck. Parce que tu commences avec 7 cartes, puis à chaque tour, tu piges une carte, puis là, tu peux mettre des Pokémon en jeu. Tu peux, une fois par tour, attacher une carte d'énergie à un Pokémon. Par exemple, tu as Pikachu, puis là, sa attaque de base, ça te prend, mettons, 2 énergies Lightning. OK. Ça fait que tu peux pas faire cette attaque-là tant que tu n'as pas attaché 2 cartes d'Energy Lightning à ton Pikachu, par exemple. Donc, c'est du 1 contre 1. Oui. Graphiquement, tu sais, ça nous fait quand même penser, oui, au combat de Pokémon traditionnel, mm-hmm. mais c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a tout un concept de cartes et de différents règlements puis du tour par tour qui embarque. Puis le but du jeu, c'est ça, d'aller dans les différents gyms, puis de battre chacun des gym leaders, puis à la fin, de mettre la main sur les cartes légendaires. Combien il y a de gyms pour finir cette cassette-là? Je pense qu'il y en a comme... Il y en a un pour chacune des types d'énergie, puis je pense qu'il y en a comme 2-3 autres. Je pense qu'ils sont comme 7 ou 8 environ. Okay. Puis ça reprend la série. Ouais. Puis à la fin, il y a comme une espèce de dôme. Quand t'as battu toutes les autres, il y a un dôme où est-ce que là, tu te bats contre les meilleurs des meilleurs, puis quand tu les as battus, ben, t'as les cartes légendaires. Puis tu peux continuer après quand même à jouer au jeu puis à tester tes cartes légendaires. C'est comme un mode plus dans le fond. Ouais, un peu. Ouais. Les sprites sont, les cartes sont, les images sont belles. Les oui, pixels, non, mais là, c'est bien fait. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que tu sais, c'est quand même complexe d'adapter un jeu de cartes de ce genre-là en jeu vidéo. Ouais. Puis ça m'a surpris. En fait, ce que j'avais peur, c'est que l'interface soit vraiment chiante mm-hmm. puis compliquée à comprendre. Puis finalement, ça l'est pas. C'est vraiment réussi toutes les étapes parce que tu sais dans un tour t'as différentes phases puis toutes les étapes de phase sont claires puis tu comprends puis tu peux quand tu vas dans un gym bon il y a les gym leaders mais il y a aussi d'autres personnages que tu peux battre un peu comme dans les autres jeux Pokémon tu sais des ennemis un peu plus faciles. Souvent quand tu bats quelqu'un ben ça te donne des booster packs. T'as un certain nombre de cartes. Puis, avec ces cartes-là, tu te crées des decks. Tu peux aller comme une espèce d'ordinateur où est-ce que tu peux avoir des decks préconstruits que tu unlocks. Mais il faut que tu ailles les cartes pour pouvoir y accéder. Pour pouvoir accéder. Sinon, tu peux te faire tes propres decks custom. Là où le jeu est un peu difficile, c'est que le jeu t'explique bien les règlements et tout ça. Par contre, je trouve que le jeu t'explique pas bien comment construire un deck. Mm-hmm. Puis, en fait, tu peux pas gagner un match si tu n'as pas catché c'est quoi la balance que tu dois avoir entre le nombre de Pokémon, entre le nombre d'énergie. Mm-hmm. Parce que tu as des cartes d'évolution aussi. Mettons, tu as un Pikachu puis tu as une carte de Raichu. Ben, si tu pognes juste ton Raichu quand tu pises des cartes, tu peux pas jouer Raichu tant que ton Pikachu n'est pas en jeu. Mm-hmm. C'est qu'il faut vraiment que tu balances tes Pokémon de base, tes évolutions, ton nombre de d'énergie. Puis ça, il a fallu que j'aille checker sur Internet. Bon, c'est quoi la base de construire un deck de peut-être de... qu'originalement, le livret d'instructions était de 90 pages. Ouais, c'est fort possible. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont expliquées dans le jeu. Ouais, OK. Puis, mais ça, c'est... Mais pour un débutant, un newbie, c'est peut-être pas la meilleure chose Je pense que pour apprendre à jouer, c'est bien. OK. Puis, tu sais, au début, si tu fais juste utiliser les decks de base qu'ils te donnent au début, qui sont préconstruits, ça va. Là, c'est quand tu arrives plus... Que tu vas bloquer un certain point là, quand tu vas être rendu loin. Parce que j'ai réussi quand même à battre les minions, là, les petits poches. Ouais. Mais quand je suis arrivé au gym leader, j'étais comme... Ouais, OK, là, lui, c'est du... C'est de l'eau, ça fait que je vais utiliser mes Pokémon de Lightning, mais là, j'ai pas encore assez de Booster Pack, j'ai pas encore assez d'énergie Lightning pour faire juste un deck de Lightning. Puis là, j'essaie de balancer avec d'autres, puis là, je me fais planter finalement par le computer. Donc, c'est pas un jeu facile, mais c'est un jeu qui est bien fait. Ouais. Puis ça demande un peu de patience, mais si t'aimes ça, ce genre de jeu-là, je pense que tu vas avoir du fun à prendre le temps à construire tes decks et tout. Puis... Donc, c'est ça, Pokémon The Trading Card Game. D'un point de vue de vendeur, je peux te dire que c'est moins populaire que les jeux de Pokémon traditionnels. Oui, c'est sûr. C'est moins arcade, en fait. Là, ça serait plus pour les gros fans. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de mode en ligne. J'ai pas cru voir... En ligne, c'est sûr qu'il n'y en a pas, mais le mode multijoueur, j'ai pas cru en voir. Donc, c'est vraiment une petite aventure. Je pense que... Tu connais vraiment le jeu, puis c'est quoi les decks qu'il faut que tu fasses. Tu vas passer ce jeu-là en quelques heures. Mais tu sais, les vieux jeux de Pokémon, il n'y avait pas vraiment de mode en ligne. Il fallait que tu aies un ordinateur, puis que tu plugues ton câble, puis que tu sais, c'était vraiment pas évident. C'était in-game, genre, c'était pas un menu. Fait que peut-être qu'il y a cette option-là quelque part. Peut-être, mais en même temps, je me dis, t'as déjà un produit qui existe, qui est les cartes. Ouais. Là, tu sors un produit dérivé comme ça, puis je pense que le but de ce produit dérivé-là, c'est d'amener les gens à acheter des cartes. Vendre des cartes. Donc, tu penses que tu veux pas avoir un mode. J'achète des cartes. C'est ça. Trop dur. Puis, en tu sens le rejet dans le jeu, là. On est sur fuck that. Mon père est riche en tabarnak. Mon père m'a acheté des cartes. Papa, tu veux avoir des cartes. Donne-moi des cartes. C'est vraiment drôle parce que j'habite à côté de la promenade Masson, puis il y a deux tabagies. Ouais. Mario, puis c'est deux tabagies. il y a deux tabagies. Chaque journée, Arcade Montréal commence de même. Hey Dominique, aujourd'hui, tabagie, ils vendent des booster packs, une pièce de moins qu'ailleurs, t'as le dit. Non, c'est vrai. Je sais. Continue, le public sait pas. Donc, c'est ça, le public qui sait pas. Exact. Il y a comme deux tabagies que je trouve ça vraiment drôle, mais les deux, ils vendent des cartes Magic et des cartes Pokémon. OK. Tu sais, c'est comme des trucs pour vapoter. Puis là, t'as des booster packs Pokémon puis Magic. Wow. Juste vapoter ou traiter. On appellerait tout ça le dépanneur paradis. Je pense que oui. C'est juste à côté de la boîte. Des Hustler magazine. De la boîte de pipe en licorice. Ouais, c'est ça. Vieille. Mais ça. Son sèche. Licorice. Les petits bonbons sur le dessus sont tous tombés. Là. Mais à un moment donné, j'ai demandé à un de mes amis, j'étais comme, c'est quoi le lien entre la tabagie puis les cartes? Puis il m'a dit, ben, c'est la dépendance. Il a tellement raison, man. Tu veux toujours un autre booster pack. Puis quand j'habitais sur Masson, puis on faisait nos pools de hockey, j'allais acheter mes revues de hockey là parce qu'il y avait une meilleure sélection. Tu sais. Il y avait le Hockey News. Ouais. Puis, c'est bon, le Hockey News pour les poolers. Ouais. Alors voilà, je veux pas m'étendre là-dessus. Fait que vive la promenade Masson, vive les tabagies à Mario. Puis. Vive Pokémon The Trading Card Game, je lui donne 4 sur 5. Oh, oh monsieur, nice, c'est quand bon ça. Ouais. Ben, c'est, tu sais, si t'aimes ce genre de jeu-là, tu veux apprendre à jouer, puis avant d'acheter des vraies cartes, ben, tu downloads ça sur, ça coûte sur, moins le, cher. Sur les shops. Ouais, c'est... Hey, tu peux même l'acheter en vrai, ça coûte genre 5$. Là. Ouais. Ouais. 5-10$. Pas pas cassette, t'as le don. Moi, je l'ai downloadé avec sur, une banane. J'ai downloadé sur le eShop du 3DS. Je m'en rappelle plus combien j'ai payé, mais ça devait être autour de 5 pièces aussi. Ouais, c'est ça. Avec un élastique, ça me fait tellement rire. Un élastique. Un truc de Game Boy avec un élastique brun et une banane. T'as un décaliste, tu connais pas les jeux. Jamais t'en voir ici. Jeune Mongol. Fait que c'est comme ça les ventes. C'est même ça se passait. J'ai fait fortune. Mais c'est acheté un Cadillac. Avec des fruits puis des cassettes que personne voulait. T'sais. J'achetais des pommes à chevreuil, des carottes à chevreuil. Je bundlais ça avec des Pokémon Trading Games. Fait fortune. Malade. Avant les autres vendeurs. Asti, un visionnaire. C'est le temps de la pause. Ouais, ouais. Pause. Yes. Right. Après ça, on revient avec discussion sur nos jeux préférés du Weekend Gaming, puis on a les questions du public qui reviennent cette semaine. Ouh. C'est bon, pause, on vous revient. Question du pipi. Important que ça ait changé. C'est fun que ça ait changé. Ouais. L'historique, tu sais, change. Mais l'historique, ouais, l'historique est là. Je suis d'accord. Mais c'était pour ça que c'était populaire. Je suis content qu'il ait twisté en tabarnouche. Ouais. Parce que, tu sais, ça avait plus de sens. Ouais, là, il l'a twisté dans marre de mon gars sans arrêt. Là. Ouais. Et on n'a plus le droit d'avoir des gros tontons à cette heure. Non, mais. T'as Dead or Alive pour ça. T'as rien, là. Ouais. Ouais, DOA s'en occupe très bien. Des physiques de seins, là, ça, c'est. Colin. Comme l'affaire avec la. La DualShock là, dans Ninja Gaiden 3, puis il avait fait toute la campagne de promotion à propos de ça, que tu pouvais bouger les seins à Sonya dans Ninja Gaiden. C'était tellement inutile. Puis ah, en fait, toute la promotion était là, il y avait comme une pub télé qui existait au Japon, puis tu vois plein de gamers ou de monde en avant d'un écran comme bouger la tête de haut en bas. Puis comme regarder en faisant un signe de oui. Ça n'a pas de sens. Puis là, ça. Tu fais comme, c'est quoi ce jeu-là? Puis là, finalement, à la fin, tu vois juste les seins de Sonya, l'acolyte de Ryo Hayabusa dans Ninja Gaiden Sigma. Puis après ça, c'est écrit comme It Bounce. Puis t'as la, t'as la DualShock. C'est Tamco, tu sais. C'est ça. C'est Tecmo. Non, mais je dis, c'est quand comme même... C'est comme la vidéo de Kojima qui présente la figurine de Quiet, puis il est là, puis il joue avec les seins, puis il explique que les seins sont mous, puis tout ça. Est-ce qu'il est overrated, pareil, Hideo Kojima? Ah. Désolé, là. Mais tu sais, en plus de ça, cette affaire-là, c'est quand il essayait d'expliquer pourquoi l'autre faut tout le temps qu'elle soit comme à moitié nue dans le jeu. Ah, c'est pour c'est parce qu'il faut tout le temps qu'elle soit mouillée en fait parce qu'elle a besoin d'hydratation continue, tu sais. Moi, chier, tu vois, mon don. T'as twisté ton narratif pour exactement. La faire ça. Ça, c'est comme un guide du parfait pervert. Puis à un moment donné, il disait aussi c'est parce qu'il veut inciter le monde à faire du cosplay. Ok. Du cosplay de son personnage. Ben, c'est ça, tu sais. Il fait des personnages sexy pour les gens qui veulent faire du cosplay. Ah, c'ti. Tata. Bon. Ce sera même pas bon, son jeu. Au Japon, ça passe, ce genre de discours-là. Mais il a l'air cool, par contre, son jeu. Ben, hey, man, c'est un FMV. Il y a rien là-dedans. Tu sais, il y a rien. Il y a un gars qui pleure des baleines. Oui, il y a un gars qui pleure en tenant un bébé. Mais déjà, du monde sont comme, ah, ça va être le jeu de l'année. Eh oui, t'as rien vu. On sait même pas comment ça. On sait pas c'est quoi. C'est comme le monde qui était fâché que Star Wars. C'était quoi? C'est comme Star Rogue One? Non, Star Wars, non, c'est Cyberpunk. Ah, le 3-1-1, je sais pas trop. Ouais, tout le monde était comme. Mais ouais. Ça a été cancellé, ça va être le meilleur jeu. Il y a juste comme un CGI qui est sorti, un vidéo que genre on voit rien du gameplay. Moi, j'ai vu un gars voler d'un réacteur. ça avait l'air bon. C'est vrai que ça avait l'air non, bon, ce bout-là. Moi, c'est... mais c'est sûr que c'était genre... C'était une minute de gameplay, genre. Oui, t'as rien. Ah, c'est ça. T'as absolument rien. On sait rien. Ouais, mais... Bon, c'est le segment chiolage. Ça fait penser à The Last Guardian. Ah ouais, The Last Guardian, crime, qui monte tout le temps les mêmes bouts. Je me crisse de beaucoup de choses dans la vie, puis je pense The Last Guardian est en étude. Il est, ouais, il est en tête de fil. La liste des affaires que je me calise. Au top. Prochain épisode de la discussion, les affaires qu'on s'en calisse. ça me parle, bon, ouais, ça. Ouais, ça serait bien ça pour le prochain épisode. Ah ouais, tout ça ce qu'on se calisse de. Ah ouais. mais t'as posté une affaire sur Twitter, Bruno, genre les affaires qu'on est rendu trop vieux dans. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé cette affaire. Ces affaires de Next Gen. Dans Kotaku, oui. Ouais, c'est très bien écrit. Là. Ça fait que je me calisse de. Exact. Ma liste d'amis dans mes jeux. Oui, c'est ça, j'ai plus de temps pour ça. Pas le temps de gérer ça. On fait un spécial Pascal Forget. On parle de ce qu'on aime pas. Ah, Bruno, il y a un beef avec Pascal. Ouais, tout le monde. Qu'il y a pas un tout le monde a un beef changer. Avec Pascal. Ouais. Colin, il y a tout ce gars-là. Fait que c'est ça. Fait que pour passer à d'autres choses. La question du public. Ah, on commence avec ça? Ouais, on va faire un petit segment à la question du public. Hey, c'est une bonne idée. Vu que c'est un segment qui revient de temps en temps, j'ai pris la liberté de mettre un thème musical en arrière là, pour parler d'une soundtrack. Fait qu'on la part tout de suite. Yes. J'ai une raison qu'on est en nom. Oh man, oui! On va le monter un peu. Hey, en plus, tu me l'avais sûrement dit, puis j'étais sous, puis j'avais oublié. Ça se peut. J'ai dit que j'allais mettre quelque part ça, parce que c'était vraiment bon. Là. Ça, là. Ben, on va en parler tantôt, de toute façon, dans ce jeu-là. Hey, essayez de le deviner. Dites-le dans les commentaires. Ouais, c'est ça. La devinette. Exact. Fait que j'ai classé les questions du public en trois sections. Alors, il y avait des questions sur la NX, des questions sur le VR, puis questions autres dans le fond. Oui. Fait que pour la NX, il y a Erip Darig sur Twitter qui veut savoir quelle franchise Nintendo voulez-vous voir de retour sur la NX. Metroid! Moi, je veux Super Mario Galaxy 3. Ouais, moi aussi, je veux Super Mario Galaxy 3. Moi aussi. J'avoue. Pour vrai. Non, mais... Les Super Mario Universe. Oh man, encore mieux! Super Mario Voie Lactée. Ouais. Ah, ah oui, est-ce que ça serait hot? Mais moi, j'aimerais un grand. Super j'aimerais Mario le... Andromeda. Ouais, nice, un crossover. Moi, j'aimerais le grand retour de Mega Man. Qui soit à la tête. Non, je sais que c'est pas Nintendo, mais c'est un personnage qui fait tellement Nintendo, ils peuvent se l'approprier puis reprendre la franchise. Je veux juste dire dans les commentaires ici, il y a un monsieur Jacko Photo qui s'est essayé de deviner le jeu qu'on entend la musique de. Tu l'as pas, mais c'est proche. Crissement. Voilà. Notre ami sur Twitter avait une autre question, il voulait savoir, parce que là, ça porte vers à croire que la console va être hybride, la NX, là, va être portable. Il dit, si c'est le cas, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, le Home Edition ou la portable? Ah, mais ça sera pas les deux en même temps. Genre. Ça va être les deux en même temps. Mais c'est ça justement. En fait, c'est la combo des deux qui m'intéresse. Ouais, c'est ça que je trouve intéressant moi aussi. Finir ta game, ouais. Tu sais, grinder là. Grinder un MMO là. Grinder MMO, all mais, the way. Pas un MMO, pardon, mais un juste un RPG. Ouais. Dans l'autobus, c'est malade. T'sais, c'est exactement le bon. Juste jamais arrêter de jouer. Le bon endroit pour faire ça, tu sais, ou dans le métro, tu sais. Quand t'es chez vous, les tu veux des belles affaires, tu sais. Les toilettes de bureau. Les toilettes. Combien de monde vont être avec leur NX là? Ouais. Combien de monde vont faire ça à la porte à cause de la NX? Bureau, sérieux, moi, c'est pas capable. Ben, toi, t'as dit bureau, ça m'est. Non, mais j'ai déjà travaillé dans un bureau. Ouais. Je parle pas de moi personnellement. Ben, voyons donc, c'est fantastique. Non, mais je parle pas de. Je sais pas. Je parle pas que nous autres, on va faire ça, Dominique. Je parle qu'il y a un. Non, mais les gens. Il y a un segment de la population qui va le faire. Ouais. Non, mais c'est correct. C'est comme respect 100 000 à l'heure. Non, non, non, mais moi, j'irai jamais faire ça avec une console portable, en fait, parce que ça va être parti trop longtemps. Non, mais ça n'a pas de sens. Avec ta vie, ça n'a pas de sens. Tu pars au bureau, tu sais. Tu t'en vas avec ton iPad dans les toilettes ou genre. Tu sais, le monde, ils savent. Une NX, tu sais. Tu ramènes ça. C'est comme. Non, mais je me souviens avoir fait ça avec la PS Vita à un moment donné. J'avais mis ça dans ma poche arrière. Un lendemain très de... visible. Un lendemain de buffet indien, genre. Ah, mais quand, la dernière fois que j'ai travaillé en agence, il y avait un des employés, en tout cas, il a tout le temps chié à même heure l'après-midi. Okay. Genre à 2h45. J'en connais des de même, moi. Puis, ah, moi, je suis le même, j'ai mon heure. Ouais, puis là, l'autre, tu sais, c'est un bureau de 60 personnes, là, genre. Fait que la fille, ouais, toi, hein, c'est ton heure, ça. Oh, Seigneur, man. C'est trop à l'aise. Tu peux pas, vous êtes pas trop à l'aise. Tu sais, comment vous faites? Ouais, tout le monde sait que tu vas chier à telle heure. Ouais, on va chier. Eh on ouais. est 60 personnes ici. Tout le monde t'a bien propre. On est au bureau. Ah, il y a toi qui marche pas. Là, ça va fucker. Mais Bruno, je pense que t'avais des infos techniques sur la NX. J'ai des infos. Il y a Danny Matteau qui veut savoir la caractéristique qui nous, qu'on attend le plus sur la NX ou qu'on souhaite le plus savoir. Ben c'est ça. Avant de répondre à ça, en fait, moi, je vais vous donner. Je suis allé creuser, puis... Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties sur la NX. En fait, c'est des rumeurs. Jusqu'à date, il n'y a aucune information officielle qui est sortie de la part de Nintendo. Tout ce qu'on sait, ça vient de Eurogamer, qui ont été les premiers à mettre la main sur les infos. Puis ça viendrait de sources sûres. Fait que j'ai des fun facts sur la NX pour vous autres. Le nom de code, c'est Nintendo NX. Mais moi, personnellement, je prédis qu'elle va s'appeler tout simplement la Nintendo. Moi, d'après ils repartent from scratch, puis ils vont appeler ça la Nintendo. Surtout que... J'ai entendu ça aussi dans un podcast, puis je trouvais que c'était brillant. Ils disaient eux aussi, la Nintendo, à cause entre autres que oui, ils jouent beaucoup sur la nostalgie ces temps-ci. Puis le système qui va sortir, qui est comme la NES classique, ils la marketent vraiment la NES classique. Fait que c'est pas la Nintendo, c'est pas la Nintendo Entertainment System. Fait que je pense vraiment, moi, que ça va devenir la Nintendo, question de repartir puis de définir vraiment ce que ça va être. Bref, la date de sortie pour l'instant, c'est mars 2017. Puis ça, il y a comme une tonne de sources qui le confirment. C'est vraiment bientôt. Hein? Fait que c'est vraiment bientôt. Puis c'est vraiment surprenant aussi qu'il n'y ait encore rien de montré. Là. On n'a rien vu encore. Puis pourtant, tu sais, si on pense à la Wii U, un an avant sa sortie, on l'a vu. On a vu tout ce qu'elle était capable de faire. C'est ce que Yannick Wissel nous demandait d'ailleurs. Il disait que les consoles, d'habitude, sont dévoilées un an à l'avance. Puis c'est là, Nintendo, ça sent bien, puis ils n'ont rien montré encore. On se demandait tout de quoi avait l'air la Wii U, la console elle-même. Ouais. Ouais, j'ai vu la petite affaire. Ouais. Ils montraient bien le gamepad, tu sais. Exact. La machine, on est comme, de quoi avoir de l'air, finalement. Mais dernièrement, Nintendo, ils font souvent des annonces, mettons, dans un Nintendo Direct. Ouais. Ils parlent d'un jeu. Puis à la fin, c'est comme il est disponible là. Ouais. T'sais, fait que je pense que c'est une. Je pense une stratégie que quand il annonce de quoi, ben c'est là. Là. Tu ouais, c'est ça. Là, là. Mais ça, j'avoue que ça pourrait être intéressant quand même qu'ils présentent. Ils font une conférence de presse, puis disponible à partir de demain. Puis là, le monde tabarnak. Tout le monde l'achète. Tous les rideaux tombent dans toutes les aileuses. Ah! Ça saigne du nez partout. Amphithéâtre beurré à grandeur. Mais c'est une de leurs... Homicide involontaire. C'est aussi une de leurs techniques marketing, en fait, d'arriver avec un petit... Ils n'ont jamais le marché, là, tu sais. Ils vont arriver avec un petit nombre de consoles. T'sais, au début, la Wii, là, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une rareté de ils malade sur mentale. La rareté, t'avais une Wii, t'étais quelqu'un, là, tu sais. T'as ça, toi. Moi, je campais Future Shop. Il sortait mardi les nouveaux stocks à l'époque. Là, exact. Genre, tous les mardis, j'en avais reçu une, non? Ah, je m'en allais. Parce que c'est triste, c'est humiliant. J'étais rendu un adulte. Là, un moment donné, genre, j'appelle. M'avez-vous reçu? Oui! Ah, je suis là dans 5 minutes, tu sais. Fait que... ouais, tu peux-tu m'en garder une, là? Tu vas m'en garder une, hein? Parce qu'on... Ah, quand Pablo, tu m'en garder une? De mendi pour un bout de pain, mon exact, gars. Mais c'était génial. Fait qu'exactement, moi, je pense Pablo, que ça va... Ils aiment ça, l'humiliation, les Japonais. Non, mais je pense que c'est genre... Tu sais, tu t'humilies devant le gars du Best Buy. Non, mais si maintenant tout le monde en a une, là, il n'y a pas de rareté, tu sais. Non, exact. Si t'en as pas, puis t'en veux une, c'est bien plus... bien plus profond comme désir, tu sais. Comme la poupée Boutchou en 84. Ouais, c'est vrai. Il n'y en avait plus, puis tout le monde en voulait, là. Fait que... Il n'y en avait plus, non. Non, il n'y en avait pas. Je pensais qu'il y en avait pas mal, là, non, mais en 84, je pense qu'il y a eu une pénurie, en 85. Wow. Les années fortes. Les années fortes des Boutchou, les là. Les affaires qu'on apprend. Les années check your facts, guys. Ouais, check your facts. On apprend qu'on a un amateur de Boutchou obscur. Un autre qui se tient dans toutes les musées de cire. Presque les gars, je connaissais pas. Mais je pensais... Ben Tabagie, un gars de Tabagie. Mais je pensais que tu m'avais dit que des rouleuses. T'avais pas une real doll à la maison, Non. Ouais, une pillow doll. Avec tout ce que tu collectionnes. Une real pillow. Tu collectionnes une catin. Il y avait d'autres choses sur la NX. Une grand catin. Ah ouais, il y avait d'autres choses sur la NX. C'est juste que je pensais à mon événement. Genre, il dit pas demain. Avec des rompettes. Est-ce que ça serait hot? Ok, bon, on va continuer. Il y a eu des... on dit, entre autres, que ça va être... La console est prévue comme un mélange du Gamepad et du Nvidia Shield Android TV. Fait que ça, c'est deux affaires qui existent présentement. Le Nvidia Shield Android TV, c'est comme une console de salon, mais en même temps, tu peux partir avec. C'est comme une console portable et ça roule sur Android. Par contre, la Wii U ne roulera pas sur Android. Ouais. La carte graphique, la NX, ça va être la Nvidia Tegra X1, mais ça peut changer. On pense plus que ça va être la X2, qui est quand même assez puissante. Mais côté puissance, jusqu'à maintenant, on serait pas au-dessus de la PS4 et de la One. C'est sûr. Ce qui permettrait à Nintendo de la vendre environ 450$ encore pour comme éliminer les deux autres. C'est toujours comme ça, Nintendo. Elle serait en bas ou en haut? En bas. Elle serait en bas. Ouais. Elle en serait... retard, t'accotes les autres pour vendre moins cher. Exact. Ouais. C'est ça. Puis, c'est logique quand tu penses à Nintendo puis quand tu penses à où est rendu si le mobile être, maintenant. Tu sais, comme... Mais quand les deux autres vont en sortir un autre, ben tu vas te faire foirer. Oui, ouais, mais là, c'est parce que en fait, la carte. Moi, j'ai vu ce que la carte graphique est capable de faire, puis quand même, c'est crissement mieux que la Wii U. Là. Mais, ouais, mais ça compte pas. Là. C'est ça. Sauf que là tu sais, il arrive comme, tu sais, comme près des deux autres, ce qui leur permettrait de vendre moins cher pour pouvoir grandir sur le marché. Mais tu sais, moi, si elle arrive proche de la PS4, ouais, moi, c'est bien correct pour moi dans un sens. Parce que ça n'a pas besoin d'être aussi puissant que la PS4 ou plus puissant parce que ça reste que c'est... J'ai jamais compris la stratégie Nintendo. De ne pas essayer de genre de blower les autres styles. C'est le parce que ça coûte plus cher, c'est je pense. C'est tout le temps l'accessibilité. C'est tout à fait ça. Ouais. La Wii U, là, quand elle est sortie, elle était plus puissante que la Xbox 360 puis la PS3. Ben oui, mais c'était fini, ça. J'suis tout d'accord. Le monde avait déjà des PS4 chez eux. Fait que là, ce qu'ils font, d'être un peu en bas... Moi, dans le fond, là, s'ils sont capables d'avoir une console relativement assez puissante pour que le monde puisse faire des ports... Tu sais, comme ils font les jeux à sœur sur les trois consoles d'une shot. Ouais. Juste pas peser sur un piton, mais tu sais, d'avoir un jeu qui est quand même de la même génération, là, ils ont gagné. Parce qu'ils vont aller third party. Ils feront exact. Pas, man. Ça arrivera pas présentement. Ça arrivera pas plus tard, man. Ça va être comme une autre Wii U encore. Ça va tout ressortir le même shit. Pas sûr. Non, ils ont appris de la Wii U. La Wii U, ça attends, j'ai d'autres fun facts qui vont aider à ça. Ils ont 5% de plus de third party. Tu sais, il y a zéro third party. C'est plus ce que c'était. Ok, attends. Quand ils ont sorti Super Nintendo, c'est comme. Ils ont détruit toute compétition. Ouais, totalement. Pourquoi tu fais plus ça, tu sais? Attends. Ils ont sorti 64, ils ont essayé, tu sais. Je sais pas, ils essayent plus. Sauf que là, si la NX est portable aussi. Ouais, ça, c'est un autre dossier. Ouais. Parce que la 3DS, il y en a du third party. Parce que ça, il demande de mâcher du portable. Ça fait que si la NX vient remplacer la 3DS un peu en même temps, ben, je pense que ceux qui développent pour le portable, ils vont suivre. Peut-être que qu'on s'entend que c'est pas un marché très hot, là, le marché du portable. Ben, quand même. 3DS, ben, en 3DS domine. Ben, je veux dire, en il reste juste Nintendo. Exact. Hey, mais laissez-moi finir mes faits, vous allez voir. Il y a d'autres questions aussi. La X2, en passant, la Nvidia Tegra X1, ça donne à peu près la puissance de ce qu'on a vu, mais il irait plus avec la X2 parce que la X1 est sortie il y a 2 ans. Puis la X2 est sortie récemment, puis elle donne vraiment une performance comme la PS4 et la Xbox One. Fait que tu sais, ça, encore là, en passant, c'est des affaires qui ont été confirmées, mais qui sont en train d'évoluer sans arrêt. Après ça, il y a beaucoup de support qui a été confirmé de la part des third parties. Fait qu'on est revenu, on est revenu où on était au début de la Wii, en fait, pour ce qui est des third parties. La manette, ça serait un mix de toutes les anciennes manettes de Nintendo. On pourrait détacher 2 manettes de la manette principale selon un brevet. Oh my god. Okay. Fait que c'est ça, on parle d'une console portable qui est utilisée aussi comme console de salon. Ça, c'est dit et redit partout. Fait que je pense qu'on peut s'assurer que ça va être ça. Là. Ouais. Fait que c'est ça, quelque chose que tu peux amener ailleurs puis que tu peux brancher sur un hub quand t'es rendu chez vous pour la recharger puis y donner des mises à jour, des trucs comme ça. Les disques seraient complètement out. On revient aux cartouches. Ça, c'est de plus en plus fréquent comme information. Le support digital, évidemment, reste. Puis la rétrocompatibilité serait out complètement. Ce qui serait égal aux 2 autres consoles aussi. La PS4 et la Xbox One ont plus de rétrocompatibilité. Maintenant, ça se fait juste par le cloud. Okay. Fait que Nintendo irait de la même façon, ce qui serait beaucoup plus facile pour eux autres pour ce qui est de l'avenir. la... Va-t-il avoir un lecteur Blu-ray dedans? Il faudrait, Colin. Ça serait le fun qu'il en mette un. Ça serait le fun qu'il en mette un. Ça, il faut qu'il en mette un. Du média physique. Un lecteur DVD Blu-ray, il faudrait qu'il en mette un. Non, moi, je pense que t'as plus besoin de ça. Ouais. Vraiment... Ben, fini, moi, chez ça. Nous, j'écoute mes Blu-ray dans mon PS3. Ouais, exact. Ouais, c'est eux autres. J'écoute Netflix avec mon PS3. Ouais, mais Netflix, oui, mais tu sais, une Blu-ray physique. Moi, je pense qu'ils veulent peut-être être ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi quand même. Tu sais, dans le fond, il y en a. Ouais, ouais, acheter des packs, disques mais... Blu-ray. Ouais, mais ça tu parlais des cartouches, tu sais, puis ouais. Est-ce que je suis hâte que t'arrives là? Ouais, OK. Il disait que, entre autres, la NX pourrait remplacer la Wii U et la 3DS. Présentement, ouais. C'est vraiment ça le plan, puis ça serait très plausible parce que la 3DS est en fin de vie, même si on le pense pas. Puis les coûts et la venue de Nintendo dans le mobile. Fait que tout est plausible, en fait, parce que Nintendo, là, embarque dans le mobile... Ça lui coûte vraiment pas cher de développer mobile, puis en même temps, il y aurait une autre power console que tu as toutes au même endroit. Ça torcherait vraiment les autres. Nintendo va encore supporter la Wii U et la 3DS après le lancement. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont confirmé eux-mêmes. Les jeux de lancement plausibles pour l'instant sont Dragon Quest XI et Zelda Breath of the Wild. Puis, that's it. C'est tous les faits qu'on a présentement. C'est ça, selon Eurogamer, mais aussi je suis allé contre-vérifier avec plusieurs publications sur le web, puis tout le monde arrive au même... Mais le Nvidia Shield, là, c'est très très récurrent, parce qu'en plus, Nvidia, je pense qu'il a dit qu'il commercialiserait plus sa Shield, je pense. Exact. Il arrête d'en faire. Ils perdent le marché, fait qu'en ça pourrait faire du sens de dire qu'ils l'ont cancellé parce que anyway, ils vont vendre leur chip. Qui vont faire plus de cash à vendre les chips à Nintendo. Exact. Ou qui veulent pas cannibaliser ce marché-là. En disant, tu sais, fait qu'ils ont peut-être une entente commerciale. Fait que ça, c'est vrai. C'est beaucoup, beaucoup ce qui est. Mais ça, jusqu'à maintenant. Ouais, exact. C'est ça, c'est que ça fait longtemps que ça marche, cette affaire-là. Puis là, ça revient sans arrêt. La seule affaire qui est différente de cet été, ça, en fait, au mois de juillet, il avait confirmé que c'était ça. Puis dernièrement, genre, il y a 4 jours, il y a des rumeurs qui disent que ça va être la 2. Ça sera pas la chip 1, ça va être la 2. Ce qui ferait que là, la carte graphique, la deuxième, est beaucoup plus performante que la première. Puis ça ferait plus de sens parce qu'elle est plus récente. Tu mets pas une vieille carte dans une nouvelle console. Fait qu'en tout cas... Mais tu sais, tantôt, tu parlais pour les third party, tu sais. Mais ça m'a touché, mais... Jeff est nerveux. Non, mais je comprends bien. Dans le fond, là, une compagnie, là, c'est binaire. T'sais, tout ce que ça veut, c'est... être capable de sortir un jeu puis que ce soit rentable. Si ta machine est vraiment inférieure puis tu es obligé de changer ton produit drastiquement, tu as des coûts de développement reliés à ça, ça tente même pas d'être là-dessus. Mais si tes efforts sont minimes, tu sais, comme mettons là, on va dire PS3 puis Xbox One, tu as des efforts oui, mais c'est quand même des jeux semblables. Exact, c'est pas comme le dev kit de Nintendo là, c'est un casse-tête pour tout le monde là. Développer, tu sais, les jeux, pourquoi les jeux sont pas sur 3DS? Ah, le dev kit de Nintendo, il coûte cher, man. C'est ouais, mais c'est ça qu'il faut qu'ils règlent, justement. Puis je pense qu'ils sont très conscients qu'il faut qu'ils règlent le problème. Le coût du dev kit, c'est juste pour les petites compagnies. Les grosses sont pas juste ça, Ubi ont du cash, ils vont l'acheter. Ben, oui. Fait que, tu sais, dans le fond, mais c'est la puissance. S'ils ont la puissance assez bonne pour être capable de dire juste, ben, je fais un port de mon prochain. Ils l'auront pas parce qu'ils vont juste comme. Mais s'ils sont juste en dessous. Ben, c'est ça, si la cote est correcte pour une couple d'années. Là, c'est pas correct de viser le plus bas. Mais ils veulent pas. Parce qu'ils veulent pas vendre. Faut que tu sois le meilleur, Chris. Faut que tu sois plus. Ouais, mais leurs fans, c'est pas ça. Ben, leurs fans, ils vont mettre 100$ de plus. Ils vont pas mettre 700$ une console. Ben là, les autres caves, ils le font. Ben oui, mais ils vont le faire aussi. Ouais, mais Nintendo, là, tu sais. Nintendo, c'est pour les familles, tu vas dire. Exact. Je pense qu'on mangera pas cette semaine, les enfants, parce que... Ah, ben là, ça dépend. C'est sûr, si tu vas en vendre dans Schlaga, tu veux viser pas, là. Mais, mais la chaire de bataille, eux autres, c'est vraiment les familles. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça a tout le temps été ça. Ça, je le comprends, ça, mais je pense qu'ils pourraient upgrade. Non, mais je faire mieux qu'à côté des autres. Je suis d'accord avec toi, mais où, moi, je te dis que je suis moins d'accord, c'est que si, présentement, t'es à égalité avec la PS4, en termes de puissance... Non. Si t'es égal ou un petit peu en dessous à la PS4, t'es totalement viable pour bon nombre d'années encore. Puis présentement, la PS4 puis la Xbox One sont en train de marcher avec un nouveau format d'affaires, c'est-à-dire que là, ils sortent une console qui est très performante en partant, puis après ça, 2 ans plus tard, ils font comme, ben, on a une nouvelle qui sort, qui va être la Pro ou whatever, Puis celle-là, tu peux l'acheter si tu as une bourse incroyable. Ben là, tu peux acheter la console qui va te permettre d'avoir du graphisme incroyable. Ou tu peux rester avec ton modèle de base, puis on va te supporter pareil. Je pense que Nintendo vont peut-être faire la même affaire. Ils vont commencer comme ça pour avoir les familles, puis avoir la Formule Pro après. Moi, une des affaires folles que j'avais vues dans les rumeurs, là, que t'as pas sorti, c'est que t'aurais deux dispositifs. Fait que t'as comme une base, puis quand tu mets ton... Mettons, quand t'es en local, sur ta TV, cette base-là, elle a du processing power, puis ta tablette ou ton gamepad, il y a du processing power. Fait que t'as plus de processing quand t'es en local sur ta TV. Mais quand tu l'amènes dans l'autobus, là, tu pars avec juste le gamepad, mettons. Là, t'as moins de processing power, mais ça s'adapte en tant que tel. Fait que là, ça serait quand même assez cool. Parce que tu pourrais avoir une super expérience HD. Ouais. Je sais pas s'ils vont supporter du 4K, ça m'étonnerait. Là, mais... Non, je pense pas qu'ils vont aller dans le 4K. Puis de toute façon, le 4K, sérieusement, je suis pas en crise du 4K. Ouais. Tu sais, comme là, justement, Sony puis Microsoft, ils ont sorti leurs affaires 4K. Ouais, mais c'est le lobby des personne TV. Personne n'a une TV 4K. Personne. Ouais, tout le monde s'en calisse. C'est Samy LG, tu sais, puis Larry Samsung. Ils sont là et disent « Hey, guys, ce serait le fun que vous... » Larry Samsung. Prenez une bière. « Hey, guys, 4K, come on, esti, on juste a un Kickstarter. » Sur le NX, par exemple, complètement ailleurs, puis ça me fait penser à ça. Tu dis que sur le gamepad, on va l'appeler de même, il y aurait comme des manettes détachables. Ouais. Ça me fait totalement penser au Game & Watch exact. De Punch-Out, où est-ce que c'est les deux pastilles, c'est des manettes qui sont détachables du module principal. Ouais. Mais je trouve ça cool. Ça moi, serait malade. Ça serait comme écœurant. Un clin d'œil à Mais ils font tout le temps ça. La première 3DS Tank, pas 3DS, DS Tank, c'était comme une Game & Watch. Tu le regardes, là, tu sais. Ouais, c'était pareil. Ouais, c'est le même principe. Ils font tout le temps ça. C'est... Exact. Non, puis moi, j'aime l'idée de ce concept-là où tu peux, genre, admettons, je m'en viens chez vous un soir, puis comme, hey, check le nouveau jeu que j'ai, on va jouer. Genre, on a une TV, on a nos deux manettes, on peut aller sur ton balcon, puis let's go. Fait que, tu sais, il y a comme des plein de possibilités avec ce qu'ils font que moi, ça m'intéresse encore, évidemment, mais. Je pense que ça va quand même aller dans la bonne direction. Je pense que ça va être un plus gros succès que la Wii U. Oui, parce que la Wii U aussi, l'affaire, c'est qu'ils sont conscients de toutes les gaffes qu'ils ont faites. Ils ont été, à la limite, ils ont été arrogants quand même, un peu comme Sony l'avait été avec la PS3, de faire comme « Ah, tout le monde va l'acheter, qui mange la merde? » Mais c'est pas ça la réalité. Les gens ont moins de cash, puis les gens font des choix plus réfléchis, plus d'informations, fait que... Puis la prochaine question. on a comme sur le temps pour finir le show. Dépassé le temps au complet de toutes les questions. Fait que je propose qu'on peut aussi arrêter une discussion sur la NX là, parce qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. Ouais. Bon. All right, ben on peut embarquer tout de suite dans un jeu du WEC d'abord. Attends, si on veut réussir à finir. Mais juste une petite dernière chose. On parlait de third party. Il y a récemment le PDG de Ubisoft qui a dit que la NX semblait très prometteuse. Oui. Que le PDG il sorte puis dise ça alors qu'il avait Ubisoft avait carrément abandonné la Wii U. C'est carrément abandonné, c'est quand même eux autres qui les ont propulsés. Ils ont sorti des jeux au début, puis après ça, ils ont comme lâché, puis ils ont fait « Ah, fuck la Wii U ». Mais là, ils disent ça alors qu'il n'y a rien qui est annoncé officiellement, je pense. Ça veut probablement dire qu'il va peut-être avoir des jeux de Ubisoft au lancement ou des jeux... Mais tu sais, les deux autres consoles, là, c'est quand même c'est le même chien avec un différent pelage. Tu sais, c'est la même affaire, les deux autres consoles. C'est pelage. Fait que tu sais, j'aime ça dire pelage. C'est un beau mot. J'aime ça. Puis t'as pas le choix de prendre ton temps. Ah non, c'est ça. Un plage. Non, un plage, non, ça le peut pas. Mais c'est ça, mais c'est la même affaire, les deux autres consoles, ce qui fait que Nintendo va tout le temps avoir de quoi différent. Fait que va tout le temps avoir cette espèce de marché-là. Anyway, quand t'as une des deux autres consoles, t'es tout le temps comme... T'as tout le temps la question dans ta tête, genre, je devrais-tu l'acheter ou je devrais pas l'acheter, même si t'es pas un fan. Puis moi, ça, je trouve que c'est un Christi de gros pouvoir qu'ils ont, pareil, là, de piquer ta curiosité quand même. Tu sais, même Dom qui se disait depuis le début, genre, Chris, je devrais-tu en avoir un Wii U ou je devrais pas en avoir. Je sais pas si je l'achète, Même si tu trouves que c'est pas nécessairement bon ou ça t'attire pas, t'es quand même curieux de savoir c'est quoi cette affaire-là. Je suis d'accord que, tu sais, une fois que t'as choisi une PS4 ou la Xbox One, cette question-là, je ne me la pose plus. Là, j'ai fait mon choix. Ça. Moi, ça a été PS4. Puis, c'est genre, l'Xbox One, ben, j'y mets dans l'eau. Je suis désolé. Nicolas, il a noyé ma Xbox One Day One Edition. Oui, mais. Quelque chose qui s'en vient, là. Ouais, ça s'en vient. Une négociation intense, là. Ça s'en vient. Aïe, aïe. Fait que, Faut-tu réexpliquer c'est quoi le WEG? Oui, moi, je pense qu'on devrait expliquer. Le WEG, en fait... C'est un acronyme, en fait, le WEG. Oui, c'est un acronyme. C'est le Weekend Gaming. Ou Weekend de gars. Puis moi, j'ai commencé ça dans mon appartement avec des amis. Puis je te connaissais-tu dans ce temps-là? Tu m'avais invité. Je t'avais invité, on se connaissait pas beaucoup. Là, on se fréquentait, on se touchait un peu. Ouais, c'est ça, mais tu m'avais invité, là. Tu sais, j'étais un outsider, là. C'est vrai. Je connaissais Seb et puis pas les autres, dans le fond. Là. C'est vrai. Puis dans ce temps-là... Et la Wii venait de sortir parce qu'on était tous crissement excités. On jouait à la Wii chez vous. Ah ouais. Seul à en avoir une. C'est ça. C'était hot, là, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que c'était en 2008, en fait. Puis il y avait... C'était juste... Il me semble que c'était juste du Guitar Hero sur PS2. Il y avait PS2, beaucoup de Guitar Hero. Je me rappelle, il me semble dans ta cuisine. Oui, dans la cuisine. Setup de Guitar Hero, tu sais. Setup avec une petite TV de Guitar Hero, une TV cathodique. Ah ouais. J'avais amené des jeux rétro, moi, puis on avait fait un petit coin. On fait un avait setup. Des Zappers, des NES Max, ouais, je m'en rappelle. T'avais mis il y avait de plein de posters de filles tout nues sur les murs. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, c'était complètement autre chose, le Weekend Gaming. Puis en fait, c'était juste comme une soirée gaming, puis après ça, ben j'étais comme crime c'est plate, faudrait qu'on soit tout le monde ensemble puis qu'on reste c'est ensemble parce que tout le monde s'en allait, tu sais, exact, le monde pouvait pas trop partir en char, tout ça, c'est plate quand le monde s'en va. Ouais, faut partir. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, à un moment donné, je me suis dit, fuck it, on se loue un chalet puis on fait ça pendant une fin de semaine. Moi, je chasse pas. Fait que je me suis dit, ça va être mon week-end de chasse jusqu'à ma mort. Ça va être le WEG. Et... Hashtag mourir le WEG. Ouais, hashtag mourir le WEG. Mourir le WEG. Ouais, cette année, Milter du Geek Collectif a mouru le WEG. Ouais, reste lui, en paix. Il s'est donné pas mal. Il s'est donné en crise. Fait que c'est ça, le week-end gaming. C'est une tonne de consoles. Puis tout le monde qui vient apporte des consoles puis des jeux. Puis on trippe pendant une fin de semaine complète. Puis c'est ça. Puis en passant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé, puis je veux juste comme ouvrir quelque chose rapidement, c'est que je reçois souvent des messages privés de monde qui me demande s'ils peuvent venir au WEG, puis tout ça. Puis moi, c'est vraiment un truc qui est entre mes chums et moi. Tu sais, c'est du monde qui sont proches, puis on fait ça, c'est un party privé. Ça n'empêche pas tout le monde autour d'en faire, puis d'en organiser. Tu sais, j'ai pas de copyright là-dessus ni rien. Encore. Mais, je suis là-dessus. Georgia Core. C'est ça, GF, il est là-dessus. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas méchant. Là, si je vous dis non, vous pouvez pas venir au WEG, c'est parce qu'on se connaît pas assez. Fait que venez à Arcade Montréal, payez-moi une bière, on jasera. Puis peut-être que vous allez être dans le prochain ça. WEG. Moi, je vois ça un peu comme le manoir Coors Light. Ouais. C'est secret. On sait pas qu'est-ce qui se passe derrière ces portes-là. T'as 22, on était 22 cette année, dos dans en culotte de pyjama, qui joue à. Il y a du matos, man. Là. Que tu il y a partout. Plus de matos là qu'à l'exposition Game On. Clairement, tu sais, c'est. Puis il y a des c'est impressionnant. Tu sais, nous autres, on est habitués, on a la face là-dedans tout le temps. Mais quelqu'un, tu sais. Il y a des petites nouveautés, tu sais, comme là, c'était le board Sammy. Oui, que Carl a amené, le truc rouge. Tout le temps, une nouveauté à chaque année d'affaires que t'as pas vu. Ben, Zep, c'est une main de pinball. Qu'il avait fait lui-même. Oui. C'est next level. Ah ouais, le monde c'est cœur. Il y a du manger à profusion. Ah ouais. Tu sais, il y a de la bière, il y a du stock. Il y a tellement de stock. Il y a des affaires qui se brûlent. C'est débile. C'est la grosse brosse, c'est le gros gaming. C'est vraiment le fun. C'est super le fun. Je pense que ça serait commercialisable, Bruno. Ouais, si je le sais. À un moment donné, je le sais, Dom. Moi, c'est sûr qu'on va en parler. À chaque fois, je t'en parle. Ah ouais. On en reparlera. Ça fait 3 ans qu'on en parle de ça. Non, mais je sais que t'aimes ça, mais tu sais, il faudrait une émission. Non, non, mais. Version Chummer, mais. Outside, moins, c'est vrai qu'il pourrait avoir une version grand public. Il y a quoi à faire avec ça. Au moins que ça se repaye tout seul. Ouais. Bonne idée. Le manoir Coors Light du gaming, j'haïs pas ça. Ouais, c'est ouais, ça. Le manoir Coors Light. En tout cas, vous nous direz vos opinions là-dessus si le WEG devrait se commercialiser. Donc là, on va vous montrer, dans le fond, nos jeux préférés de ce week-end-là. Ben, yes. Préférés ou que, ben, moi, dans mon cas, qu'on a joué, qu'on a le plus aimé. Qui m'ont comme accroché d'une façon ou d'une autre sans être des jeux magistraux. Là, ça peut juste être que, genre, j'étais bien chaud puis j'étais bien. J'étais heureux à ce moment-là avec Jean-François. Oui. On a joué une affaire puis j'étais heureux, tu sais. Puis là, on a une belle chier de visuel, fait qu'on va y aller comme ça. Suivons l'ordre, dans le fond, du document. Puis ça va être Jean-François. Parfait, Jean-François. OK, fait qu'on suit, en genre, on bat on nos va y aller trois chacun. Ouais, ça va être plus facile pour moi. Ben, ça va être parfait papier. Parce que moi, je vais peut-être faire ça vraiment vite. Là. C'est vas-y, des clins d'œil. Bon, moi, je commence avec Dolphin Blue. qui était sur l'Atomis Wave. C'est ça, la console rouge à câble. Ouais, la console rouge à câble qui était... C'est comme un board d'arcade, ça, carrément, qui marche avec des petits cartes que tu mets sur le dessus, il me semble, là. C'est ça, puis c'est magnifique. Hein? Carl me racontait que ce jeu-là, en fait, était seulement disponible sur Atomis Wave. Fait qu'il a littéralement décidé d'acheter une Atomis Wave pour ce jeu-là. Ah ouais, wow. Puis ça, c'est des anciens de Metal Slug qui ont travaillé sur ce jeu-là, qui est absolument magnifique et improbable parce que tu tues du monde à dos d'un dauphin. Mais c'est super beau, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si la Atomis Wave, on pourrait dire que c'est une console qui vaut la peine d'être achetée parce qu'il y a quand même pas tant de jeux que ça. Il faut vraiment que tu sois un Christy gros collectionneur. Là. Ouais. Mais quand tu regardes une affaire de même et que tu dis que c'est strictement prévu sur cette console-là, s'il y a 10 jeux de ce calibre-là sur cette machine-là, en effet, ça peut devenir comme quand même très hot d'avoir ça. C'est vrai. Mais oui, d'un point de vue très collectionneur. Là. Mais c'est ça. Bref, c'était vraiment le fun. C'est dans le genre de... C'est comme un shmup, mais en même temps, c'est comme un Metal Slug parce qu'il y a des affaires qui se passent partout, puis tu sais, partout. Là, présentement, le segment qu'on voit, on est en dessous de l'eau, mais on est aussi au-dessus de l'eau des fois, à dos du dauphin, à tirer plein d'affaires. Fait que c'est un mix de Metal Slug puis Echo de Dolphin au Genesis. Oui, c'est vrai. Carrément. Exact. Fait que c'est ça pour Dolphin Blue, j'ai bien aimé. Prochainement, j'ai aussi Inversus, qui est un jeu dont j'avais fait la critique. J'ai même pas pris le temps de jouer, mais je vous ai regardé jouer. Vous avez joué à ça toute l'après-midi. C'est fantastique, ce jeu-là, mon gars. Ça a l'air vraiment simple, mais au final, quand tu joues en gang, là, ça prend tout son sens parce que c'est rapide, c'est vraiment complexe. Inversus, c'est comme un espèce de jeu de tir. C'est comme le jeu Tank, dans le fond. Là, c'est pas Tank, le nom. Tank City? Quoi? Tank City, ouais. Ouais. C'est comme Tank City, mais... Hey boy, ouais. Ça poudre. fait que tu sais, t'as 5 balles, faut que tu tires les autres, puis si tu tires, ça devient blanc, si tu tires, ça devient noir, bref. T'as des tableaux qui arrêtent pas d'évoluer, puis qui changent, puis t'as des espèces de... L'écran touche au haut de l'écran, puis tu vas pouvoir traverser de bord en bord d'écran, puis l'autre va te chercher... En tout cas, à 4, c'est un esti de party incroyable. Moi, je conseille ce jeu-là sérieusement à tout le monde qui peuvent se l'acheter sur leur console. Là, c'est vraiment bon. Si tu veux jouer en gang, c'est un incontournable, à mon avis. Là. Moi, ça a été mon meilleur jeu du WEG, personnellement. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai eu aussi la chance de jouer, grâce une fois de plus, à Termina Slot. Ah oui, je l'ai vu passer de loin, celui-là. Ah man, j'étais dans le Carl Robert Land. Puis j'ai joué à Zombies vs. The Ambulance. Le nom le dit, c'est malade, man. C'est, en fait, c'est ça. Ce jeu-là aurait été commercialisé en Amérique du Nord en s'appelant Zombie Virus. Puis c'est ça, t'es dans une ambulance. C'est un peu un mélange de Crazy Taxi et Carmageddon. Ouais, exact. Fait que tu roules, tu t'en vas chercher du monde qui sont en marde puis qui attendent que t'ailles les chercher. Là, t'es amène, tu vas aller les porter à l'hôpital. Ça, tu ressors, tu tues des zombies c'est la même avec flèche, ton char. C'est la même flèche que Crazy Taxi. C'est vraiment ça la même flèche que Crazy Taxi. Ça, c'est un jeu de PS2. Best featuring de ouais, c'est ça. Crazy Taxi. PS2. Ça serait hot si dessus featuring music from Lit. And the Arrow from Crazy Taxi. Steal your sunshine. Ben, ça, c'est US, là, ce jeu-là. Ouais. Tu peux me lâcher. Oui, je pense que tu peux te lâcher. Ça doit être vert, genre. Mais c'est un jeu qui a pas été. Fait noir, hein, par tout, exemple, là. Là-dedans. Ouais, fait noir en salle. On avait le mis. Le stock apparaît à la dernière minute. On avait mis le brightness dans le tapis, là. Mais sérieusement, c'est très drôle. C'est laid. Puis j'ai rien compris parce qu'en fait, Carl avait la version japonaise, évidemment. Carl approved. Ouais. Version japonaise. Fait que c'est ça. Fait que puis les zombies, ils vont pas grand chose, sérieusement. Non, ouais, Des fois, il y en a qui sautent sur ton char, ils massacrent ton char. Là, j'avais des instructions japonaises. Je comprenais fuck all, je suis mort. J'ai changé d'affaire. J'étais allé jouer à Station Louche à Gaz Panic. Moi, Gaz Panic, ça finit jamais. Fait que j'ai joué à Gaz Panic encore et encore et encore. Cool. Fait que c'est ça. C'est un peu fatigant quand t'arrives dans un gros tas de zombies, puis là ça pose, puis fait great. Ouais. Great. Il y a un petit côté. Ça coupe vraiment le momentum. Ouais. ironique. C'est laid. C'est vraiment laid. C'est vraiment laid, mais c'est drôle, là, sérieusement. J'ai quand même eu du fun à jouer à ça. Là. C'était comique. Next. Toi, Mario. Mario. Oh. Ouais, ouais. Mets ton visuel. Ouais, sors tes papiers. J'ai joué à Cluster Truck. Puis là... Aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Au début, j'essayais de conduire un camion. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis attends, je réalise qu'au fond, t'es à la première personne. Puis là, il faut que tu sautes par-dessus les camions. Puis t'essaies de te rendre le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée, dans le fond. Puis là, ça devient de plus en plus compliqué. Ça tourne, les camions, ils se rentrent dedans. Hey, c'est en first person, oui, ça a l'air tough. Là. C'est beau, ça. C'est ça. C'est un jeu de plateforme à first person avec les camions qui se rentrent dedans. Des trailers de van, comme on dit en région. Ça a vraiment pris genre 30 secondes que je comprenne que c'est en first person puis que je suis pas le camion. J'étais vraiment fatigué. Wow. Puis là, je fais « OK ». Mais t'étais sur une fin de labyrinthe. Ah ouais, hey, au ouais moins, c'est là. Ça, exactement. C'est ça, j'étais sur une fin de labyrinthe. Je vois en dépit d'une blessure. Là, tu peux y aller lentement, attendre que le camion avance, puis tout. Ouais, le but, ouais. C'est vraiment y aller le plus rapidement possible. Tu peux sprinter, puis sauter, puis donner comme des espèces de swings. Là, c'est ça, comme à un moment donné, ça devient de la mort, là. Ça devient fou. Il y a des affaires qui tombent sur les camions, ils revolent les uns sur les autres. Il y a les montagnes qui tombent. Il faut pas que tu touches à terre. Dès que tu touches à terre, t'as perdu. C'est, ouais, comme c'est quasiment plus comme un exercice, tu sais, de créateur, ça, genre. Ouais. Pour faire un autre jeu plus tard. Mais en tout cas, c'est on programmait des rectangles qui avancent. Puis, c'est un jeu Steam, ça, j'imagine? Ouais, c'est sur Steam. OK. Puis je pense que ça vient tout juste de sortir. C'est très drôle. Puis, ça coûte 50 sous. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est N++. Donc, c'est la suite de N+. Ah, N+, ODS. Je cherche ça en tabarnak, moi. Ça, je t'ai dit, hey, Tom, regarde, c'est N++. Puis t'es comme, je sais quoi, ça, je sais pas. Écoute, quand est-ce que tu m'as dit ça? Quand il y avait le poncho. Oui, c'est quand t'avais le poncho. Ouais, ça, c'était samedi soir, man. Samedi soir, papa Cassa, t'étais chaud. Donc, c'est un peu... C'est un... Bientôt dans la vidéo des Power Chasers, vous allez voir chaud en tabarnak. Merveilleux. Ça s'en vient. C'est un petit peu le même principe, mais de ce que j'ai compris, tu contrôles deux personnages en même temps. Ouais, puis le personnage n'était pas de même dans N+. C'est ça, il est un petit peu plus... réaliste quasiment, ouais. Ouais, puis là, t'as comme un personnage jaune puis noir qui sont un par-dessus l'autre, ça fait que t'as comme deux chances, il y en a un qui peut mourir puis tu peux continuer. Puis des fois, ils se séparent accidentellement, puis là, t'en contrôles deux qui sont séparés accidentellement. Puis bon, c'est ça, c'est du platforming... très précis de sauter sur des murs puis éviter les pièges puis des fois c'est un petit côté puzzle parce que c'est ça quand tu passes il y a des pièges qui apparaissent quand tu passes en certains endroits, ça fait que tu peux pas passer indéfiniment au même endroit, puis le but c'est d'y aller le plus rapidement possible en ramassant les espèces de petites scènes là. Assez rudimentaire au niveau du visuel. Ouais. Mais c'est des petites labos rapides, ça fait que ça devient accrocheur parce que c'est comme « Ah, je vais en faire un autre », puis là, Manny, ça fait des heures que tu joues. Donc, nice. Comme un jeu de Commodore 64. Ouais, c'est ça, mais l'interface, il est très ordinateur, là, techno, je sais pas quoi, c'est correct. Donc ça, j'ai joué sur Steam aussi. Puis ça, c'est Dodonpachi Resurrection. Ah, ben oui. Que je pensais que c'était un nouveau jeu parce que, au fond, j'ai eu un code pour ça. Ouais, Resurrection. Puis finalement, c'est un jeu qui date de 2008 que j'ai terminé en 10 minutes parce que ça semblait être un port d'arcade avec des conditionnels infinis. Puis je comprenais absolument rien. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, j'aime pas ça, les Bullet Hell, parce que je comprends rien de ce qui se passe. Puis, 10 minutes après, je me rappelle plus de ce que j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, t'es violé, mon gars. puis parce que tu reçois 10 millions de balles. Puis là, je suis comme, pourquoi il y a 10 millions de balles qui m'ont rien fait? Puis là, il y a une balle tout seul dessus. Puis, ben là, ils sont supposés de faire de quoi, là. Mais peut-être le hitbox, il est vraiment comme vraiment très petit. Souvent, là-dedans, dans les shmups, ton vaisseau, il y a une certaine shape, ton sprite, il y a une shape, mais tu sais, les ailes, ils sont, ça change rien. Ça. T'as vraiment juste le cockpit, là, genre, qui se fait un hit. Fait que ça change. Puis, donc, c'est ça, tu sais, c'est super beau, c'est super rapide, c'est. Mais. Classique. J'en retiens absolument rien de ce jeu-là. Mais Dodonpachi, je sais que ça, c'est un préféré de GF puis d'Homme d'un WEG précédent. Ouais, d'un WEG puis à Arcade Montréal aussi. Je l'ai joué à chaque fois que je suis là, je pense. Exact. On aime bien faire un petit. Faire Dodonpachi original. Mais ça m'a fait réaliser que j'aime mieux les. les shmups peut-être un petit peu plus lent, ou est-ce qu'il y a moins d'ennemis, mais c'est plus... ça respire. Tu sais, Truxton, j'ai découvert ça, j'ai bien aimé ça. C'est bon, Truxton. Ouais. Puis, Truxton! La musique est vraiment bonne aussi. Ouais. Puis, tu sais, je m'en rappelle après mon jeu. Alors, de l'autre partie, je m'en rappelle de rien. C'est juste comme des couleurs, des formes. T'es juste, oh, tu sais. Tu sais, puis là, il y a comme des madames. Les boss, c'est des schoolgirls gigantesques. Ouais. Puis, des robots. Les robettes. Puis, donc, c'est mais je pensais qu'on allait le faire à l'arcade, ce jeu-là, qu'on allait comme... Ouais, ben j'ai pris le code, finalement. Tu l'as consommé. Je l'ai consommé, on peut... je peux rentrer mon user sur le Steam à là-bas, l'arcade, là. Fait qu'on peut quand même... On va jouer, on va se faire un petit quelque chose. Tu y apprendras, Dom. C'est clair. Fait que Dom, c'est le temps de dévoiler c'était quoi la musique qu'on avait tantôt pour les questions du public? Oui, monsieur de photo, j'ai oublié son nom, c'est un petit peu compliqué. Il pensait que c'était Bugs Bunny, Birthday's Blowout, et non! C'était pas loin! C'était Bugs Bunny's Crazy Castle. Oh! Ça, mes amis, le château fou. Tantôt, quand je parlais d'un moment que j'étais bien, là, ben c'était ça. Là. C'était vendredi, là j'étais dans ma zone, tu sais, chaud, relax. Bien, on joue au NES. On s'est parti un projet. T'sais. On s'est parti un projet, moi et JF. Il y a 60 niveaux à Bugs Bunny Crazy Castle, qui est un genre de puzzle. Il faut que tu ramasses les carottes. Tu rentres, puis tu sors d'un porte. Puis tu montes dessus des marches. Puis c'est ça. That's it, man. C'est pas mal ça. La musique est tellement le fun. Oui, puis c'est pas compliqué. Là. Ouais. Ça, c'est un jeu de Kemco Seika. Ça vaut genre 5$. Ouais, ouais. Mais 5-10$, mais c'est un bon petit filler. C'est un jeu sympathique. Puis nous autres, on se passe la manette, tu sais. Ouais, un après l'autre. Quand tu meurs, tu passes la manette, ou quand tu finis niveau, tu passes la manette. Fait que that's it à deux, ça joue simplement. Ah ouais. Pas de flafla, pas de casse-tête. C'est simple de même. Des un mots de passe par à quatre caractères. Donc, on prenait une photo à chaque fois. Je voudrais qu'on se dise, hey, ils sont tous sur Google, ces codes-là. On va se rappeler où ce qu'on est. On s'était dit, hein? Ah, moi, j'avais un très bon souvenir de ce jeu-là. Ouais. J'ai jamais rejoué adulte, mais. Il y en a beaucoup des Chris Castle. Il faut aller voir l'Angry Video Game Nerd. Il a fait un épisode là-dessus. Il y en a 3-4 au Game Boy. Et puis, ça vient quand même complexe rapidement. T'as des tableaux avec des tuyaux. À un moment donné, tu sais pas les tuyaux vont où. Fait que faut que tu te rappelles un peu les shapes. Là, mais ça... deux gars chauds ça a pas aidé, en une heure. On a fait 30 tableaux, on a fait la moitié. On a fait la moitié du jeu, on a speedrunné. On devait le faire samedi, oh, puis c'est là que t'avais le puis t'es venu me voir, puis tu m'as dit oublie ça, tous les projets à soir, moi je fais plus rien. Là. Ah, on brûle du stock, on brûle des boîtes, on brûle des affaires. Je me suis mis à brûler, toi. J'étais brûlé, comme tu. Mon deuxième jeu, c'est le démo de Bloodstained. Oui. Ouais. Qui est notre beau, ami IGA, qu'on parlait tout à l'heure. Oui. Il a quitté Konami en disant les chiens mes tabarnak, pareil comme Mighty Chose de Nine. Et puis, ah non, c'était Capcom là. Excuse. Ouais, mais là, lui, il a dit fuck you Konami, je vais partir mon propre jeu qui va avoir de l'air de Castlevania. Il a fait un beau vidéo Kickstarter qui se transforme en chauve-souris. Ouais, oui, c'était Katana Chris. Ouais. Mais j'ai fait la démo et puis avec mon café samedi matin, tu sais, je décantais et puis ça m'a relaxé. Et puis j'ai eu des bons feelings de Symphony of the Night là-dedans, tu sais. Les gars, ils vont chercher ça. L'équipe travaille, tu sais, le menu, l'interface. Quand tu level up, ça. Okay. Presque la même animation, juste pour écrire level up dans l'écran. Donc ça, c'est cool. Le personnage, bon, tu fais, tu sais, comme le slashing, il était un peu lent, tout ça. Okay. Mais j'ai juste une short sword. Puis je sais que dans Symphony of the Night, il y a 1000 épées, là. Il y en a qui vont vraiment vite, il y en a qui crachent du feu. Fait que c'est un très petit aperçu d'un très grand univers à venir. Mais le style est vraiment beau. En tout cas, les ennemis, là... Ouais, c'est vrai que c'est illustré, mais... J'aime bien le look du bateau qui bouge aussi. C'est... Quand t'as rien équipé, elle donne l'équipier, j'avais pas remarqué. Ah ouais, hein, c'est vrai, j'avais même pas remarqué, mais non plus. Parce qu'on pogne l'épée pas mal au début. C'est fait que c'est cool, ça, t'équipes deux items, t'équipes des pièces d'armure, tout ça. Vraiment, c'est Symphony of the Night, là, mais next-gen, tu sais. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai très confiance en cela. Par contre, je suis seulement muni d'une Wii U. Puis ce qu'il y a de plate avec la Wii U, c'est que au lieu d'essayer de dépasser les autres, tu sais, elle est venue à côté comme les autres, tu sais, ouais, au point de vue de la technologie. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être moins bon que les autres, fait que je l'achèterai pas. Mais non. Je faisais une blague, là. L'index va faire pareil. Pourquoi acheter des affaires Wii U quand les autres le font bien mieux? Ouais. Mais bon, je le ferai pour ma collection sûrement. Mais il va falloir que j'emprunte une PS4 à quelqu'un pour faire ça parce que ça va être dégueulasse sur Wii U fort probablement. Parce que Wii U font juste, tu sais, ils sont pas les meilleurs. Ils ont pas essayé d'être les meilleurs. PC. Je t'aiderai, mais faut que tu fasses attention aux inondations. Ah ouais, faudrait pas qu'il y ait inondations chez nous. Donc, très cool. Essayez-le, cette démo-là, les amis. Prochain jeu, man, Silkworm. Ça, man, c'est... J'ai joué à ça avec Ellie, ça a pas été long. Là, c'est un player, à ce que je vois à l'écran, mais quand tu joues à deux, il y en a un qui est l'hélicoptère dans le ciel, puis un qui est le jeep au sol. Puis l'un qui tire en haut, l'autre tire en bas. Ouais. On s'aide. Et puis, c'est un jeu de Samy. Puis moi, Samy, c'est... Il y a des jeux de marde, là, plein de marde. Mais on dirait que... En réessayant plus, je commence à aimer ça. Parce qu'il y a Vice Project Doom, qui est un grand jeu. Ninja Crusaders, c'est correct, man. Et puis, Thunder Cage, j'ai tout le temps ri de ce jeu-là, mais dernièrement, j'ai rejoint un peu, j'y ai donné sa chance, puis je m'en vais quelque part. Okay. Arkista's Ring, je trouve ça correct. Puis là, Silkworm, Chris, en co-op, j'ai trouvé ça intéressant. Okay. Puis je pense que c'est un jeu d'arcade, ça, à la base aussi. Donc, c'est pas un grand jeu, là, on s'entend, mais c'est un jeu... qui vaut pas cher, mais qui est pas commun. Fait que si tu le vois, tu l'achètes. Je suis content, là. Je viens de l'acquérir. Donc, je voulais juste le mentionner. Je vais m'y mettre plus. Je vais regarder ça comme il faut. Moi puis Jeff, juste avant dîner samedi, on a fini. On s'est parké sur un Super NES, puis on a joué au un des jeux du Super NES qui vaut les plus chers présentement. Il s'agit de Aero Fighters. C'est un shmup vertical, de genre qui me fait beaucoup penser à Raiden, là, des vaisseaux qui ont de l'air de DF-18. Assez simple, hein, GF? Pas très complexe, pas beaucoup de power-up différents. Non, vraiment assez, pas. C'est straightforward. Ouais. C'était straight. Et puis, quand tu finis le jeu, il te donne des passwords ou des trucs de manette, là, des combinaisons à faire pour débloquer d'autres personnages. Donc ça, je trouvais ça bien. On n'a pas pris le temps de le faire, mais c'était là, tu sais. Mais il était le fun, le jeu, pour vrai. Ben, pour du Super NES, il n'y avait pas de ralentissement. Non, c'est ça. Il était ça à coche, là, au niveau du gameplay. J'ai été totalement surpris par ça, parce que moi, au Super NES, je trouve les shmups, c'est pas mal dégueulasse. Il y en a genre 3-4 qui sont bons. Mais, tu sais, clairement, ça vaut genre 1000$, ce jeu-là. Ouais. Loose. Hein? Fait que tu veux pas acheter ça, là, à moins d'être collectionneur. Mais en émulateur, là, c'est bien du plaisir. Oui. Pour finir, on a joué à Jamestown. Oui. Parlant de shmup. Exact. J'aimais ça. Ce que j'ai trouvé de spécial dans ce jeu-là, moi, personnellement, j'ai joué à pas mal de shmup. Pas autant que Carl, on s'entend. Mais ce shmup-là m'a pas... T'as pas jeté à terre quand même. Il est très beau, il est tout, mais il m'a pas, je le trouvais pas comme Breakthrough. Il n'y avait rien de nouveau là. Par contre, ce qui avait de le fun, c'est que les power-up, tu décides au début du niveau, il y en a une chier. Puis il y en a énormément. Tu les unlock, puis il y a 4 modes différents. Dans chacun de ces 4 modes-là, il y en a genre 6 ou 8, ouais. Je sais pas quoi. Donc, tu as une vaste variété de choix d'armes que tu veux au début. Puis ils reprennent les classiques, genre comme Dodon Pachi, justement, que tu tiens ton doigt sur le beam, ça fait un large beam. Ou il y en a d'autres, tu fais un ghost, là, que tu suis, que tu débarres un peu comme Strikers 1945, tu sais. Donc, ils ont repris tous les power-ups de tous les grands shmup classiques, et puis ils ont crissé là-dedans, puis ils en ont ajouté. Mais il y avait aussi le truc pour absorber les balles. Ben oui, ça comme dans Mars Matrix. Ouais, c'est vraiment cool. Et puis, tu vois à l'écran ici, quand tu tues un ennemi, les grosses rings d'or là, qui tombent, là, ça c'est cave, là, c'est totalement cave. Dans Dodonpachi, il y a rien que ça, là, des gros jewels qui tombent de même, tu ramasses des points. Donc c'est un vibrant hommage à tout ce qu'il y a de hot dans le shmup vertical, là, arcadesque. Le fond là. De guerre d'indépendance. Oui, totalement, c'est ça. C'est très... ça se passe dans la nature. Voilà, c'est carrément ça, la guerre de l'indépendance. C'est de la forêt, du feu. Ton vaisseau, c'est un genre de baril en bois. Ouais. C'est pas un vaisseau. Pas comme techno du tout. Non. Mais tu sais, la seule affaire que je trouve de dommage avec ce jeu-là, c'est le nom. Il est tellement pas attirant. Non. Si tu vois ça, ben, moi, ça tu vois c'est quoi Jamestown? Tu dis, ben c'est moi, un ça jeu pique de simulateur de calèche. Ben, pense... Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était un cocktail ou je sais pas quoi, Jamestown. Mais tu sais, il est tellement... Ça a rien à voir. Moi, c'est vrai. J'aurais appelé ça autrement. Là, genre... Independence, Fire, Alien War, tu sais, une affaire de fou. Ouais. Mais tu sais ça, c'est très beau. Hein. Non, c'était bien, j'ai bien aimé ça. On jouait à 4 en même temps, puis ça... Ah, de quoi qu'il y a de bon aussi, j'avais jamais vécu ça avant, c'est que t'as pas un nombre de vies, mais t'as un respawn. Ben, on a joué en co-op, je sais pas quand tu joues tout seul, mais quand tu joues en co-op, t'as un respawn time. Fait que si on joue à 4, puis on a... t'as un respawn de 10 secondes, genre. Ouais. Fait que si toi, nous trois, on se fait péter, il reste juste Mario, faut pas qu'il meure dans, oh, dans le 10 exact, secondes que nous autres, ça prend pression avant d'arriver parce que Chris. T'sais, fait que c'est ça, c'est un change des morts comme ça. Là, ça, c'était le fun. Là. Ouais, en single, il n'y a pas ça. Fuck, t'es rendu au boss, il y a juste un gars qui est tout seul. Meurs pas, il reste 5 secondes. Là, on était stressés, man. Donc ça, c'était cool, c'était ça. Une très bonne idée, ça, sérieux. Là. Ouais. C'était bien pensé. Alors, je trouve qu'il est un peu fait pour du co-op. Ah, oh, totalement, totalement. C'était le fun en crime. Ouais. Oh, on est rendu à Mario. Non, c'est à moi. Fait que là, il y a eu Tricky Towers dans les jeux qu'on a joué que j'ai bien aimé. J'ai joué avec Bruno. C'est un nom bien joli, ça. C'est un genre de Tetris, en versus, avec la gravité, en fait. Fait que tes blocs sont soumis à la gravité. Fait que prenez vraiment Tetris, puis rajoutez de la gravité alentour, puis ça donne une complexité assez intense. C'est vraiment plus dur qu'on pense. T'sais. Oui, ça a l'air facile quand tu regardes, parce que c'est aussi les pièces de Tetris classiques. Exact. Puis la gravité, elle vient toute péter, là, ton cerveau de Tetris. Là, qui, ouais, c'est parce que c'est une pièce qui tombe en angle. C'est là. Ça, depuis 35 ans. que c'est, ça marche pas. C'est vraiment une réadaptation que ça prend. Il y a des tableaux qu'il fait pas beau, mettons. Fait qu'il y a de la glace. Puis là, le vent pousse tes blocs vers le bas à cause de la glace. Ça, ah ça, oui. ça vient très, très difficile rapidement. Genre, mais tout allait bien, puis ils te mettent un gros piano qui descend. Ouais, c'est ça. Il y a un bloc, là, c'est un fucking moulin à vent. Ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là-dedans. Colin, ça allait bien. Mais hey, non, ça, en multi, c'est vraiment fun. Cool. On a joué un bon bout à ça sans c'est arrêter. C'est beau, ça. Ouais. Un autre jeu qu'on a joué assez longtemps, c'est Quiplash. Oui! Ah, un gros highlight pour moi, là. Dans le fond, ça, c'est un mix un peu, je dirais, entre Buzz Quiz puis Losty de jeu. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le principe, c'est que tu as 8 joueurs, puis chacun se connecte sur son téléphone au jeu. Puis chacun a 2 questions à répondre. Dans le fond, c'est la réponse à mettre qui est la plus niaiseuse. Ouais. Puis, dans le fond, après ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est les 2 réponses à la question. Puis le monde vote pour savoir qui a dit la plus grosse connerie, mettons. Puis ce qui est bien aussi, c'est que les gens qui jouent pas dans le jeu peuvent se connecter puis être des assistants, mais la crowd un peu qui va venir faire changer la balance du jeu. Ouais, puis changer le pointage. Fait que tu peux ne pas jouer puis faire changer le pointage complètement puis faire changer la game. C'est cool, j'aimerais ça qu'il y en ait plus des jeux comme ça que tu peux jouer avec ton cellulaire, tu sais. C'était vraiment, vraiment bien. Parce qu'on pouvait jouer à 8, ouais, là, c'était vraiment cool. Ça, le samedi soir, j'étais en bas, puis je suis monté en main dans la cuisine, puis je mangeais Doritos, puis je me suis plugué, puis j'ai commencé à jouer avec vous autres, puis j'étais en arrière complètement du jeu, puis c'est ça, j'ai embarqué là-dessus, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Beau jeu de party, ça, pour vrai. Ah, c'est vraiment. Si vous voulez que ça dérape, là. L'ambiance, là, ça n'a juste pas de sens. Là, c'est... Moi, c'est devenu un incontournable chez nous. C'est vraiment excellent. Plus besoin de syncer les manettes de Buzz Quiz, qui était tant le bordel. Là. Exact. Ah, ouais, après 2 heures, syncer 8 manettes, c'était pas une bonne méthode. Sinon, bon, évidemment, le NHL qui est tout le temps très populaire, là, il y a eu NHL 2017. T'as joué beaucoup à Mario à NHL, non? Ouais, quand même, je t'ai vu jouer une bonne run là-dessus. Ouais. On a fait une couple de games, plusieurs. Là. Il y en a qui se tiennent autour de celle-là. Monsieur Boisson se tient là, moi je me tiens là, Ellie est là aussi dans ce coin-là. Il y a bien des games de hockey. C'était dans la cave, là. Ça, dans cave. À côté du tapis avec tous les Atari. Là. Exact. Puis ça ressemble pas mal à toutes les autres NHL. Mais c'est, tu sais, le gameplay, il est le fun. C'est très tight. Je vois pas vraiment de différence avec le 2016, honnêtement. Là, mais il y en a probablement un peu des améliorations, mais ça reste un très bon jeu de hockey. Là. Tim Hortons, ouais. Ouais. Puis sinon, dernière chose, ben Gang Beasts, qui est un classique depuis 2 ans. On a fait une compétition encore cette année que Nick a gagné, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, Thomas. C'est t'as vrai. Gagné du bacon. J'ai gagné du bacon, tu sais. Puis de la maillot au bacon. Ouais, la maillot. Ça existe. Ouais, ça existe. Nick m'a battu en finale. Là. Nick, qui au début de la compétition, était celui qui chialait le plus sur les contrôles. Je comprends rien. Je comprenais pas, mais GF, il m'a expliqué. J'ai montré les contrôles sur mon téléphone. T'aurais pas dû, finalement. Ouais, je t'ai battu en finale. Il y a eu 2 compétitions. Les 2, je me suis rendu en finale, puis les 2, j'ai perdu. Mais l'autre, c'était Dive Kick, que je me suis rendu contre Ricky Bay, puis j'ai perdu en finale aussi. Mais ça, dans le fond, c'est des gens de bonhommes mollasses, un peu. Là. C'est des Gumby Bear, un peu, puis le but, c'est de se battre, puis de se tuer. Mais c'est très, tu pousses, puis ça pendouille, là, tu sais, comme les bras sont mous. Tu peux prendre le gars à bout de bras, mais t'es mou, fait que tu contrôles plus ou moins tes mouvements, fait qu'il y a bien de la chance dans ce jeu-là, c'est assez difficile. C'est tellement drôle, mais tu ris beaucoup à toi. Tout est difficile, tu sais, puis tu essaies de pogner quelqu'un, puis de le sacrer en bas, puis c'est tellement tough. Puis là, l'autre, il peut tout le temps se relever, tu sais. Pis... Tu peux peut-être t'accrocher après quelque chose, après le plancher, ouais, après un mur. Ah ouais, tu coules vers le bord, tu sais. Exact. Pis, le monde sont comme sous, là. T'es comme sous, tu sais. Ils ont ça, comme, c'est vrai, oui, c'est ça. Ils ont comme pas de colonne vertébrale et ils sont sous, tu sais. C'est un beau mix, là. Ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu qui est le fun à jouer, mais qui est le fun à regarder. Juste regarder parce le gameplay, drôle, là, depuis tantôt. Ouais, je trouve ça super. Ouais, c'était écœurant. C'est plat qu'ils sont pas sortis sur PS4 encore, tabarnouche. Il est pas sorti sur non, PS4 il est juste ni Steam, One. Je pense. Il est juste sur Steam, puis c'est un early access encore et c'est un bêta. Ouais, un jour, il sera final, mais c'est vraiment bien. Faux, là. C'est trop drôle. Fait qu'on va passer à Nick. Yes. Ouais, ben moi, j'étais comme le dernier qui a rempli le document. J'ai au moins un gameplay, j'ai celui-là. Il restait plus rien de ce que je voulais dire, sauf que... Ah, mais écoutez, ça, c'est beau, man. J'ai raté la run, là, parce que vous êtes parké là-dessus pendant que je faisais autre chose. Ah ouais, on a là, joué. J'ai même pas joué. J'ai joué 3 heures de temps. Bleeds. Puis c'est comme... C'est un bon vieux beat'em up, mais ultra violent, tu sais, puis moderne, avec des contrôles très, très bien faits. Puis des thématiques, ça se passe dans une Russie, pas une Russie en fait, c'est l'URSS, tu sais, un peu un univers alternatif, là, où t'es comme un genre de mutant, puis tu vas juste taper du monde, puis tout est louche là-dedans, tu sais, tes ennemis, les thématiques. À un moment donné, t'as comme un bar de sadomaso que tu rentres, tu commences à mâcher le monde. Ah ouais, là, j'ai t'sais. Vu ça, man. Ouais, c'était t'sais, fucking c'est tellement. Tout est, c'est super violent, ça saigne, tu sais, c'est. Mais c'est un. Ça reste quand même un bon beat'em up, tu sais. C'est puis... fait au pixel, là. Exact, c'est pixel, t'sais. C'est des sprites, là. Tout à fait. Juste... C'est beau, c'est bien fait. Ah ouais, les contrôles sont tight aussi. Ah ouais, tout marche avec ce jeu. Puis à 4, ça se passe vraiment bien, tu sais. Puis là, ce que vous voyez, un mode d'espèce d'adrénaline que tu peux pogner, tu sais, où t'as plus d'énergie, tu sais. Tu peux comme siphonner de l'énergie au monde à terre, tu sais. Puis c'est vraiment bon. Super jeu. Puis à 4, c'est ça, on a joué longtemps, tu sais. Mais il est quand même assez difficile. À un moment donné, on est tous morts, puis il a fallu recommencer. Ça a comme tué un petit peu le beat, là, mais vraiment super découverte. C'était aussi sur PC, en fait, puis je pense pas qu'il est sur console, mais... Non, il est pas sur console. C'est ça, mais je suis pas sûr qu'il passerait les SRB, ça serait probablement un jeu de mature, ouais, là, oui. C'est tellement... Ouais, c'est clair. Tellement violent, mais ouais, c'est Curve Digital qui va poigner ça, je suis certain. Ah, tu penses, ouais. Oh, oui. Mais en tout cas, très, très beau. Mais j'aime le nom, j'aime le look. Ouais. C'est le fun. Là. Mais tout est là, ça marche. Là, t'sais, pis, ouais. Vraiment beau produit. Autre chose... les autres, j'ai pas le gameplay, malheureusement. C'est pas grave, parce que... Non. On va décrire... Non, mais juste rapidement, The Last Fight, Bruno va faire la critique. Ben, elle est sur le donc, site. Allez jouer à ça, allez voir la critique puis allez jouer à ça. Ouais. On a eu vraiment du fun, on a fait des petits tournois, tu sais, super beau jeu de party. Puis l'autre chose, ben j'en parle tout le temps, mais on a fait une bonne run de Street Fighter. Ouais. Il y a plein de nouveaux personnages. Pogné là, c'était impossible de rentrer dans votre bulle. Là, ah ouais, fait que jouer avec les vrais sticks de pro. Ouais, toi puis Zef, là vous étiez Martin là, aussi, c'était sérieux. Ben, ouais, Martin joue beaucoup. Martin Zef, puis toi vous êtes intimidant quand vous jouez à ça. Vous pensez pas aller jouer contre vous autres parce qu'on est sûr de perdre. On a joué un petit peu, mais dans ça, tu sais, moi j'avais pas joué autant que j'aurais voulu au 5, puis on lui a donné une bonne race. Ouais. Finalement, il est solide, il se tient debout. Fait que, on a joué pendant que vous étiez tous couchés. On a fini le vendredi soir, nous autres, en jouant du Street Fighter 2 dans la cave. Ouais. Moi, Martin, Eric, puis Max Desjardins. Puis à un moment donné, on a switché au Turtles Tournament Fighter, au Super NES, qui est un Street Fighter-like. Ah oui. Puis il y a une jauge d'énergie, tu sais, une jauge que quand tu l'as, tu peux envoyer une attaque spéciale. Chris, c'est long de l'avoir. Là. Toute la soirée, j'ai essayé d'avoir ma jauge pour la launcher. J'ai jamais réussi. Là. Mais ceci dit, très bon jeu de fighting. Là. Ouais, ouais. On a eu du fun. On a fait du gros Street Fighter 2 Turbo dans la cave. Charlotte à Ellie pour le jeu d'assembleur complètement anal dans, dans le sous-sol. Jeu de programmation d'assembleur de code. Là. Il a fait un Facebook Live sur la boucle infinie. Ouais, ben c'est bon, ça va là aussi, c'est correct. Là. Ah, c'est ça. Mais le moment magique avec Martin qui jouait à Breakout à côté, là, ou à Atari, puis les sons. T'essaies de te concentrer à faire des circuits électriques. Oh mon dieu. Martin, il m'a dit c'est le plus beau moment de ma vie. C'était tellement méta. C'était méta, c'était très, très geek. Il a essayé de programmer dans un jeu de programmeur. L'autre, on a joué un gros 10 minutes à ça. Non, mais c'était beau. Je suis allé m'asseoir tout de suite dans ce coin-là. Ça m'a relaxé. On s'est essayé. Ouais, c'est très relaxant. On est sûrement un des trois personnes au monde qui est relaxé par des sons d'Atari. Ouais, mais ce coin-là, je l'aimais assez. Il y avait un Atari 2600, un Gemini, un 5200. Ouais. Il y avait un Atari XT. Puis t'avais pas le choix de t'asseoir en indien sur le tapis. Ben oui, c'était assis sur le tapis, tu sais. Puis il y avait des télés empilées. Des paquets de fil, un drone. Il y avait un drone à terre, des boîtes de manettes d'Atari. Tu sais, c'était comme un coin. L'Atari XT, quelle belle machine. Je n'avais pas vu en vrai. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans le catalogue Sears, genre, tu sais. Je l'avais jamais vu. Mais là, la flashcard, on avait de la misère. Puis la manette, à la direction droite marchait plus. Malheureusement, mais. Malheureusement, parce que c'était un jeu le fun, ça. Console différente, c'est pastel, tu sais. Il n'y en a pas assez des consoles. Les boutons sont pastel, oh, ouais, puis avec genre beige gris. Oh, oui, c'est ça, c'est super. Là. Je coucherai avec. Tu l'as peut-être fait, même, on sait pas. Ça se peut, peut-être. J'ai perdu la carte, dormi avec ça. Fait que ça conclut. Fait tout. Belle fin de semaine. Grosse fin de semaine. Je m'en remets encore. Ah, sérieux? Le voyage du retour, le dimanche. C'est tabarnak, c'est dans mes moments les pires de l'année. Ben, donc, c'est bien. Tough, là. Moi et Mario, une belle ride de 2 heures silencieuses, comme on les aime. Mario, il dormait avec le bas penché en train de se remettre la dégainte. Au moins, il dormait, tu sais. Au retour, je dormais pas. Juste pas parler. Par la fenêtre. Puis moi, là, je faisais des soupirs. Quand je fais de la route, j'écoute des podcasts, j'ai rien mis. C'était comme silence. Là. Il y avait un fond de radio à deux, peut-être. Bon, c'est parfait ce moment-là. T'entendais tes pneus qui font. Waouh. J'entendais mon mal de tête qui s'en venait aussi. Moi, j'étais un gars qui parle pas en voiture. Je suis dans ma bulle. Ça se fait pas. Moi aussi, fait que ça. Deux gars qui parlent pas en même temps. Waouh. Eh ben, c'était merveilleux. Parfait l'un pour l'autre. C'est ça. Ben moi, j'ai pas de retenue, tu sais, c'est ça mon problème. Je suis pas capable. J'ai tout le temps un drink à la main, tu sais. Je peux pas. Je suis trop nerveux, tu sais. Je suis pas capable de pas avoir de quoi dans les mains. Puis là, j'ai arrêté de boire à minuit samedi parce que je savais, tu sais, je me suis fermé les yeux. Là, ça tournait. Mais il y avait des Doritos partout. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une bonne idée. Hey, on a acheté du beef jerky qui vaut super cher, qui est plein de poils. Je vais en manger. Là, je mangeais ça comme un défoncé. Tu sais, le lendemain, j'avais l'estomac à l'envers pendant 2 jours. Hey, là, c'est là, sûr. C'était rough, là. Ah non, non. Hey, c'est tough, se remettre du wag. Moi, j'ai mangé une poche de M&M au peanut complet. C'est des grosses, là. Oh. C'est dégueulasse. C'est pour ton corps, tu sais. Ah, écoute, c'est tellement de l'abus. C'est pour ça que c'est juste une fois par année aussi. Ah, ouais, non, c'est ça. Plus faux. Ça nous tuerait. Ça sert à pas de bon sens. Ouais, je pense pas qu'on survivrait. Aïe, aïe. En tout cas. Aïe, aïe. Fait qu'on vous rappelle de nous suivre sur Facebook et Twitter. Surtout notre Facebook, parce que Twitter, on est moins actif. Ouais, là, mais Twitter, on est pas mal moins actif. Ouais, Facebook, c'est un redirect. Hein? Ouais. Mais Facebook Live. Les Facebook Live. Sinon, le site, le YouTube, tout est là-dessus quand même. Suivez les critiques à Bruno. Chaque semaine, à peu près, il y a des critiques qui sortent. Là. Ben, Facebook, encore une fois, c'est pour vous dire ce qui sort. Là. Exact. Hey, en passant... Je voulais vous dire, si vous avez accès à la Presse Plus, j'ai parlé de la... Ouais, j'ai passé dans la Presse Plus il y a une semaine environ. J'ai fait un dossier, en fait. On est venu m'interviewer sur la Wii U parce que je suis justement un des derniers survivants à défendre la Wii U puis à trouver encore que c'est une bonne console qui vaut la peine d'être achetée. Fait que vous pouvez aller lire ça. C'est pas mal intéressant. Beau petit billet qui mentionne que la PS7 c'est vrai, est redoutable. Ah ouais, j'ai lu ça. Ah ouais, c'est tout le monde m'a écrit, là, tu sais, comme si c'était moi qui avais écrit l'article, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, le gars, à la place d'écrire la PS4, il a écrit la PS7. C'était très drôle. Fait que... Sinon, on vous rappelle de nous encourager avec notre Patreon pour les dons. Ça nous aide beaucoup. Là, vous voyez le beau matos. On va avoir besoin de nouveaux matériels et qu'on déménage dans notre prochain studio aussi. Ça, que ça aide beaucoup. Là. Ben j'ai oui. assez hâte de le voir, ce studio-là. J'ai tellement hâte que ce maudit condo-là soit vendu. Vends-moi ça, c'est un dompe. C'est un shed-là. C'est un dompe-là. C'est un dompe-là. Ça s'en vient, ça. Ouais, ça va être malade, mon gars. Hey, mais dis-moi donc, Jean-François. Oui. Tu t'es grayé d'un Super Scope? Ben, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais quand j'étais jeune. Je l'ai acheté quand il est sorti, en fait. Là. J'avais oublié que les pitons étaient sur le dessus. Là-dedans. Ben, ils sont sur le dessus, mais il y en a sur le côté aussi. Mais ceux sur le côté, ils pèsaient pas.